I don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé normalement. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 16 où nous parlerons des actualités du 26 juillet au 16 août 2016, date d'enregistrement de ce numéro. J'ai dit normalement puisque ça fait pas un mois, ça fait que deux semaines, mais comme je l'avais dit dans le précédent épisode, on essaye de revenir aux dates d'enregistrement et de publication originelle des podcasts. Donc voilà, on est en train de le faire. J'ai le plaisir de recevoir mes invités habituels durant cette émission, en commençant par Eddy, puisqu'il n'était pas là il y a deux semaines, donc salut. Salut, j'étais pas là il y a deux semaines, puis même avant, enfin il y a deux trois podcasts que j'ai pas fait, je crois. Ouais, non. Étrangement, c'est les meilleurs. excusez-moi, j'ai une vie à côté. Donc... Et il insinue que moi j'en ai pas, vu que je réponds présent à chaque fois. Voilà. Donc la deuxième fois que vous avez entendu, c'est Morgane qui est là comme d'habitude tout le temps. Donc, salut. Bonjour. D'ailleurs, il y a un truc très curieux, c'est le podcast numéro 16, on enregistre le 16, on est en 2016. Ouais. C'est vrai. Je trouvais ça bien en fait. Oui, c'est la coïncidence qui veut, mais bon. Il y a meilleur comme intro, mais je voulais le dire quand même. Mm-hmm. Mais bonjour. C'est très bien. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de voir que j'appelais plus Morgane, que j'appelais Negan, mais bon, ça c'est pas... Oh mon Dieu. Ah oui. Ah ça, on en reparlera. Non. Il a dû frôler la syncope. Ouais ouais. Bon voilà, donc on a quelques news dont on veut parler aujourd'hui. Il y en a pas énormément puisque ça fait que deux semaines, mais c'est bien parce que ça fera un podcast un peu plus court. Ça changera. Ouais, ça changera. Enfin, on espère de ne plus avoir de problèmes qu'on a eu la dernière fois avec les problèmes de réseau tout ça. Et de cette manière, on pourra faire plus court. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première bande-annonce du nouveau Shyamalan, donc Split, où on voit James McAvoy qui va jouer un psychopathe, enfin un mec avec une troupe de la personnalité multiple. Un schizophrène, merci, je cherchais le mot. Bipolaire. Voilà. Ah ouais, schizo plus quand même. Taré. Non. voilà, donc c'est le nouveau film de Shyamalan après The Visit. Donc on retrouve James McAvoy qui aura 23 personnalités. Voilà. Ouais. Ça annonce du gros. On voit là. Bon, encore plus, c'est encore plus que dans Infinity War. Plus de personnages dans. Il y aura plus de super-héros, quoi. C'est pour ça que Marvel, ils ont changé le titre, ils vont piquer le concept. C'est ça, c'est ça. donc voilà, qui a vu la bande-annonce? Moi. Morgane, tu l'as vu? Non, j'ai pas D'accord. vu. J'avoue, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être parce que c'est Shyamalan, parce que The Visit, que j'ai envie de revoir, parce que c'est un film auquel j'arrête pas de penser quand même. Mais l'idée de voir James McAvoy jouer un fou, tout ça, non, ça m'intéresse pas trop. Après, j'avoue, Shyamalan, je sais pas s'il va dans le fantastique, Eddie va me dire ça, mais le côté Split. Un peu. Ouais, ça va. Moi, c'est quoi, thriller cérébral. Ça fait plus thriller, mais à mon avis, ça va bifurquer un peu vers le fantastique. C'est qu'on nous parle d'une peur, bête en fait. Et tout, et connaissant le bonhomme, à mon avis, on va finir par la voir, la bestiole. Donc, Voilà, moi j'aurais aimé peut-être un thriller plus cérébral et terre tout, à terre, ça parle de la folie. Mmh. Voilà, que là, si ça part dans le versant fantastique, ça risque de me. Après, il a pas fait du fantastique tout le temps, hein, Shyamalan. Ouais. Parce que le village, il y avait non. pas. Ouais, tout était vrai, hein. Le village était trompeur parce que le village était trompeur parce que ça te faisait croire que. Mm. Puis on va parler à demi-mot. Mais ça, à la limite, c'était cool parce que. Mais là, justement, le village, on te vendait ça comme un truc un peu surnaturel. Puis au final, tu te rendais compte que. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. C'est eux et les monstres, ils font pas peur. Heureusement, enfin, le village pour moi est objectivement le meilleur Shyamalan. J'aime beaucoup Signe, mais le village il se démarque, je trouve. Mais celui-là je le verrai, mais la bande-annonce ça m'a pas. J'ai pas sauté dessus, quoi. Moi j'ai pas sauté dessus non plus, mais pourquoi pas. Ouais, voilà, c'est un peu ce qui ressort chez tout le monde, j'ai l'impression, en fait. Ouais. Le problème c'est que Shyamalan il essaie tellement de revenir sans y arriver que du coup on finit par plus trop y croire. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme le DC Universe qui décolle jamais, quoi. Chez Warner. Et bam! C'est un peu l'impression que ça donne, quoi. Tu te dis que ça va jamais partir. Mais bon, après After Earth et Avatar, en même temps, tu pouvais se relever, c'est difficile. C'est ça. Avec The Visit, c'était pas parfait, mais c'était pas non plus un mauvais film, hein. Loin de là. Oui, mais il avait quand même beaucoup plus que ces derniers. Ah oui, il avait quand même plus. A eu ses. Ouais. Et il a quand même plus fait l'unanimité, ouais. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas, il suffit de voir les notes, les moyennes et tout. Ouais, c'est pas, mais en même temps, c'est pas difficile hein, de faire un meilleur film que Dernier Maître de l'air et que Phénomène. Ouais. Après, peut-être qu'il fait les bons choix aussi. C'est vrai qu'il est revenu à quelque chose de plus simple avec The Visit, qui du coup n'avait pas de fantastique non plus. Non, c'est vrai. Vous croyez aussi, mais non. C'est vrai que c'était quand même plus classique, mais bon, c'est peut-être la bonne manière de revenir, quoi. Se refaire un peu la main sur des films un petit peu moins ambitieux, et puis voilà. Après, Split, c'est quand même assez ambitieux. Ouais, c'est ambitieux. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, c'est le scénario. Alors c'est que toi, t'aimes pas Shyamalan, en plus. J'aime pas Shyamalan. Le scénario m'intéresse. James McAvoy, 23 personnalités, ok, ça a l'air cool. C'est intéressant. C'est puis lui, il en est capable, hein, McAvoy. Ouais, complètement. D'ailleurs, on le voit bien dans la bande annonce. Hein, c'est pas. Je sais pas si t'avais vu le film Reviens-moi avec Keira Knightley. Et en fait, dedans, il joue un personnage pareil, un peu ambigu. Oui. C'est celui qui a réalisé Pan. Ouais, exactement. Je l'ai vu. Joe Wright. Voilà. Ouais, mais exactement, il peut complètement jouer le. Et le c'est vrai que dans ce film-là, bon, il avait un personnage un peu ambigu au début du film et il jouait bien là-dessus. Enfin, il avait un jeu très nuancé et bon, là, ça a l'air un peu plus exubérant. En même temps, si c'est un personnage qui est atteint de schizophrénie, je pense qu'il faut qu'il grossisse le trait aussi pour que ça parle aux gens. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que l'acteur principal qui devait jouer le rôle, ça devait être à la base Joaquin Phoenix. Oh non. Ah ouais. Moi je sais pas, ça m'aurait tout autant plu, je trouve, pour. Bah disons que Joaquin Phoenix depuis quelques films, il aime bien cabotiner et je pense que là pour le coup ça m'aurait saoulé. Oh non, Heure, il cabotinait pas. Hein. Oh, non. Oh il a quand même un peu. Oh non. Moi, je trouve la moustache qui fait que. Ouais, peut-être, mais. j'ai pas trouvé dans Heure, personnellement. Non, personnellement, non plus. Mais bon. Dans The Master, dans L'homme irrationnel, ça, il aime bien faire des caisses. Bon. Non, il est bien, mais c'est toujours. Enfin, il fait du Joaquin Phoenix. Enfin, c'est un adjectif. Ouais. Faire du Joaquin Phoenix. Au moins, McAvoy, bon, c'est un acteur qui. Plus qu'il touche un peu à tout, que X-Men, tout ça, donc il fait vraiment. Puis qu'il n'a pas non plus la popularité. Popularité, par exemple, de Bruce Willis. Quand il a eu Sixième Sens ou Incassable. Ce qui est très étonnant avec Shyamalan, c'est que même si, et on sait hein, que ses films sont beaucoup moins appréciés, et lui aussi, puisque maintenant, quand tu dis Shyamalan, ça fait moins rêver, il arrive quand même à trouver des acteurs, bon, même The Visit, c'est à part, mais il arrive quand même à trouver des acteurs qui. Quand même, bon, même si Mark Wahlberg à l'époque de Phénomène c'était pas non plus mais il arrive quand même à trouver des gens, des acteurs, McAvoy c'est un nom quand même et il lui fait confiance. Il est pas délaissé malgré tout. McAvoy c'est un nom surtout depuis X-Men. Oui, complètement. C'est pas parce qu'il était pas en jouant dans Narnia qu'il s'est fait connaître quoi. Ah oui non c'est sûr, je savais même pas qui jouait dans Narnia. Bah si, il joue le faune. Ouais, tu sais Narnia j'ai vu que le premier. Mais il joue que dans le premier de toute façon. En plus, j'étais petit. Mais il a pas un rôle en plus dans le premier qui. Non, c'est pas un très grand rôle. Mais voilà, moi ce qui le scénario m'intéresse. Par contre, ce dont j'ai peur, c'est toute la mise en scène vraiment qui alourdit les films de Shyamalan, je trouve. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il nous dit regarde comme je sais bien filmer. T'as vu le plan là, tu vois ça. Mais ça. Non, c'est Winning Refn ça. C'est un effet Shyamalan pour moi. C'est vraiment un truc que je supporte pas et j'ai peur de le revoir dans cette bande-annonce. Mais le scénario m'intéresse. Donc en fait, je suis partagé avec ce film. J'irai quand même le voir. Il sort le 22 février 2017 et je suis quand même intéressé de voir ce que le twist. Justement, voilà. Et il faut pas que le film repose que sur ça parce que Sixième Sens. Concrètement, ça repose que sur son twist et j'ai du mal à le revoir. Ça a beaucoup moins de saveur quand tu le revois. Alors que le village, qui a quand même deux twists dans un film, quand même, quasiment. Film que je peux revoir. Hein. Je peux le revoir celui-là. Oui, parce qu'à côté, il y a quand même toute la romance qui fonctionne. Il y a plein de choses dans The Village qui fonctionnent bien. C'est vrai que Sixième Sens, finalement, la première fois que tu le vois, c'est pas mal. C'est même c'est assez bluffant même mais par contre quand tu l'as vu une fois C'est bluffant bien que quand tu regardes bien le twist tu le grilles dès la première scène. Oui, tu peux le griller bien sûr mais c'est évident enfin Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a dû... Et je pense que c'est pour ça que, comme Fight Club... Tu peux le griller aujourd'hui, Fight parce Club, qu'on on est habitué à avoir des... Parce que enfin, c'est devenu rapidement une référence, et du coup, t'as plein de monde qui ont essayé de faire pareil. Mmh. Ouais, ouais. Ah bah oui, ça a lancé... Je pense que c'est le film qui a relancé un peu les twists, parce que les gens avaient besoin... Enfin, les réalisateurs, ont, enfin, les producteurs, ils ont compris que... Enfin, ils ont vu que les gens adoraient sortir... Ouais. Voilà, fallait surprendre, et je pense qu'on n'aurait pas eu Saw, qu'on n'aurait pas eu tous ces films-là qu'on connaît. Saw, c'était avant. Saw, c'était avant. Non, ouais. non, je crois. Non, Saw, c'était en 2005, ouais. Je crois. Ah bon? Ouais, 2005, ouais. Ok, ah oui. D'accord, moi, je m'annonce pas là-dessus, mais... Et Sixième Sens, ça doit être plus fin 90, début 2000, je crois. Oui. Ah, moi, je dirais 99. Ouais. Non, ouais, c'était 90, mais moi, je pensais que tu parlais du Village, en fait. Ah, le Village, c'est 2004, quelque chose comme ça. Ouais, C'était avant Saw, encore. Ouais. J'étais donc, en sixième voilà. Quand il est sorti, et Saw en demi, et j'étais en cinquième, voilà. Ouais, voilà, on va pas... On ira. Voilà, on ira voir et on vous dira ce qu'on en aura pensé. On passe ensuite à une autre bonne annonce, celle de La Grande Muraille, le nouveau film de Zhang Yimou, avec Matt Damon, qui sortira le 15 mars prochain. Vous avez vu la bande annonce tous les deux ou pas? Moi je l'ai vu juste avant l'enregistrement, ouais. Là. Mm-hmm. Parce que ça me tentait pas en fait de la regarder au départ. Ouais. Je pense que moi ça peut me plaire parce que c'est bien le genre de divertissement un peu balourd et tout qui fonctionne bien sur moi. Mais et en plus ça verse vraiment dans la fantasy, même l'héroïque fantasy. Justement, parce que quand tu vois l'affiche, quand tu vois le titre, tu t'attends pas à ça. À ce qui est, tu t'attends plus au dernier truc genre le dernier samouraï avec C'est ça. Mais exactement. Alors pas du tout ça a l'air de s'en éloigner vraiment. Ils prennent le prétexte comme quoi ils ont enfin les Chinois ont construit la Grande Muraille pour se protéger d'un monstre. De toute façon, c'est pas un spoil puisqu'on le voit dans la bande annonce, on peut pas vous spoiler un film. Mais c'est un truc qui m'intéresse un peu, enfin franchement, de voir comment ils vont tourner ça. Et puis la réalisation de Zhang Yimou a l'air intéressante, mais sinon, voilà, ça a pas l'air d'être un très grand film. Le seul truc qui m'intrigue vraiment, c'est que finalement, c'est quand même réalisé, la réalisation va être asiatique. Mm-hmm. Et du coup, c'est une production américano-chinoise. Voilà, donc il peut quand même ressortir 2-3 trucs intéressants. Ils ont une manière de faire, je trouve, qui est moins hollywoodienne, donc peut-être Oui, oui. Mais bon, après de là à dire que je l'attends, non. Non, complètement. Toi, Morgan, tu l'as pas vu? Bah, moi, le problème, si, j'ai vu la bande-annonce, je trouve pas ça moche. De toute façon, les films chinois ou même, ce genre de film en général, je trouve pas ça moche. Mm-hmm. Maintenant, alors déjà, j'ai un problème avec le casting. Je comprends pourquoi on fait venir Matt Damon, c'est évidemment pour faire vendre, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, personnellement, je dois dire que le cinéma chinois, c'est pas le cinéma qui me touche le plus, et j'ai envie de dire que c'est un cinéma qui m'ennuie énormément. Là, ce mois-ci, au mois de juillet, j'ai tenté Tigre et Dragon, là. Ouais. J'ai trouvé ça beau, mais la deuxième partie, c'était épouvantable, et Touch of Zen, de je ne sais plus qui, ça durait 3 heures, c'était interminable. J'ai vraiment du mal avec ce genre de cinéma. Ça va être plus axé gros blockbuster divertissement. Hein. Il paraît que Tigre Dragon à l'époque c'était le film avait pas été très apprécié par les puristes de ce genre de cinéma-là parce que justement c'était trop, ça visait trop un public occidental. Là, je pense qu'on aura la même recette. Bon, je pense que ce sera plus. Maintenant, il y a peut-être un espèce de mélange des genres qui a l'air assez curieux, parce que je vois sur Allociné, c'est aventure historique fantastique. Ouais. Donc pourquoi pas, ça peut être un espèce de ça petit bordel. Ça va être bordel, proche, je pense, de la série Marco Polo de Netflix. Ouais, c'est ça. C'est... J'ai pas vu. Pas vu non plus, mais dans le même ton, quoi. Mm-hmm. Complètement. Ça mélange l'histoire, enfin, ça rajoute des éléments fantastiques à l'histoire connue. Pourquoi pas, quoi. Mais voilà, c'est pas un film que je pense qu'on va attendre énormément. Mais après, choix de casting de Matt Damon, donc il y a évidemment le fait d'avoir ramené les Occidentaux à voir le film, mais je pense que ce sera expliqué. Hein. Oui, parce qu'il y a... Parce qu'on voit Pedro Pascal aussi. Ouais. Pedro Pascal et Willem Dafoe. Et... Voilà, donc bon. Après, peut-être, hein, mais peut-être qu'ils vont essayer de nous faire passer ça pour des vrais natifs chinois, mais ça m'étonnerait. Justement, puisque il y a eu toute une polémique à propos de Matt Damon qui jouait dans un film chinois, etc. On va pas y revenir parce que c'est pas, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de tout. Mais justement, le réalisateur a répondu à cette polémique en disant que dans le scénario, c'était expliqué pourquoi il y avait un Américain qui venait en Chine. Oui. Donc voilà, c'est pas, ils les font pas passer pour des natifs, hein, heureux, oui. Et encore heureusement. Voilà, on va passer ensuite à encore une autre bande-annonce, la première bande-annonce du nouveau film de Mel Gibson, Hacksaw Ridge, avec Andrew Garfield. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Hacksaw Ridge. Alors là, non mais tu me poses une colle parce que je sais pas du tout ce que c'est. Mais AXO déjà ça fait contraction de mots un peu, non ? Ouais voilà, mais je pense que c'est un jargon militaire ou quelque chose parce que enfin. Ouais peut-être. Voilà. Ouais. Nouveau film de Mel Gibson, quasiment 10 ans après Apocalypto. Ouais. Qu'est-ce qu'il vaut Apocalypto ? C'est particulier. Moi je l'ai vu, ouais. J'ai pas envie de le revoir. Je suis beaucoup plus fan de William Brevard. Wallace là, voilà, ouais. Brevard. Ouais. Mais Apocalypto, finalement, en même temps, les films sur les Mayas, il y en a pas eu quasiment. Bah oui, voilà, c'est ça qui. Ou alors tu regardes les mystérieuses cités d'or, mais bon. Ouais, c'est ça. Bah il y a eu B-Movie. Il y a eu quoi? B-Movie. Et Maya LaBeouf. On va pas. Il y a eu 2012. Oui. De Roland Emmerich. On va pas relever ça. Hein. Non. Mais du coup, j'ai pas trouvé ça mauvais. Après, c'est pas. C'est radical, il paraît. Hein. Il paraît que ça c'est très violent. Ah oui, c'est très violent. Oui, oui. Bah de toute façon, ouais. Les Mayas, c'est sacrifice humain et compagnie. Hein, donc bon. Ouais. Oui, et puis Mel Gibson, il adore filmer ça, La Passion du Christ. Ouais, oui, non, mais puis il sait filmer ça. Ça imprègne la rétine et visuellement c'est beau. Mais par contre, faut être bien accroché. En même temps, t'as vu The Revenant, donc je pense que tu peux. Ouais. Puis moi aussi, du coup, je pourrais regarder The Revenant en fait. Donc voilà, Hacksaw Ridge qui sort le 9 novembre prochain. Pas très longtemps à l'avance. Ouais. Donc c'est encore une histoire vraie de guerre. Enfin voilà, on a soupé, mais cette fois c'est plus. C'est assez original, je trouve. C'est l'histoire de Desmond Doss, donc le premier objecteur de conscience à avoir remporté la médaille d'honneur du Congrès américain durant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il avait décidé de pas porter d'armes et de pas. Il est allé à la guerre sans armes. Voilà, t'as vu la bande. Qui a vu la bande? Moi je l'ai vu là, ouais. Je viens de la voir et. Ah oui, mais il n'y avait pas des sous-titres, je crois. Non, justement, ouais, voilà. Donc j'ai essayé de comprendre. Bon, j'ai compris en gros que oui, c'est un mec qui voulait pas. Causer de violence, etc. Voilà, c'est donc, ça, c'était un pacifiste. Perpétuer la violence, donc du coup, il est allé à la guerre sans armes. Mais c'est osé, hein, sortir ça juste avant les élections. Ouais. Trump, voilà quoi, les armes, c'est ce qui l'aide surtout à passer pour le moment. Et. C'est un sacré parti pris, je trouve, de parler de ça maintenant et de le sortir maintenant, surtout. Ouais. Je pense que ça va être intéressant aussi au niveau de tout ce culte de la masculinisation américaine, quoi, où l'homme doit être comme ci, comme ça. Enfin, ils sont encore assez traditionnalistes là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Traditionnaliste, ça veut rien dire. Je pense qu'il peut y avoir un discours intéressant aussi derrière, au-delà du fait que c'est un mec qui veut pas porter d'armes à la guerre et tout, parce en plus, enfin, c'est un film d'époque dont, enfin, ça se passe quand, les années 50, je crois, la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, 39-45, je pensais que c'était la guerre du Golfe, justement pile poil dans l'époque où l'homme devait protéger sa famille, savoir tirer, tout ça, enfin oui complètement. En plus les images qu'on a vues sont vraiment assez impressionnantes. C'est, par contre, moi j'ai juste un petit hic, c'est avec Andrew Garfield qui fait l'accent du sud, enfin un accent américain du sud. Oui, oui, j'ai trouvé qu'il avait pas la même voix non plus. Ouais, il fait un accent américain du sud et c'est vraiment bizarre parce que Andrew Garfield, il a une spécificité en fait, c'est qu'il est né en Californie mais qu'il a été élevé en Angleterre, donc il a un accent anglais, mais il peut très bien faire l'accent américain californien. Mais le problème, c'est quand il est, c'est comme pour l'autre là. Ah, j'ai oublié le film d'Oliver Stone qui va sortir. Snowden. Ouais, Snowden, quand il essaye de faire son accent, ça me dérange au niveau de l'oreille. Et là, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose de pas naturel. C'est forcé. Et c'est juste le problème que j'ai. Mais sinon, le film a l'air très intéressant. Et le propos aussi a l'air... Après, Andrew Garfield, c'est pas un mauvais acteur. Non, loin de là. Je dirais pas que c'est un mauvais acteur, mais... je trouve que c'est juste un peu forcé. Mais après, c'est juste moi, hein, c'est mon avis personnel. C'est pas. Bon, du coup, ne va concerner que ceux qui, bon, déjà parlent bien anglais et le verront, et en, le anglais, verront en anglais. Ouais. Voilà. Moi, si je le vois, de toute façon, chez moi, pour le voir en anglais, bon courage. Donc, On retrouvera aussi Sam Worthington, Teresa Palmer. Ah, bah, il est vivant, lui. Ouais, il est vivant. Après une grosse période où il était tout le temps présent dans tous les films. Non, mais ce qui est dingue, et je m'étais fait la réflexion sur Twitter par rapport à cet acteur-là, à l'époque d'Avatar, j'avais tout misé sur lui. J'étais persuadé que ça allait être le nouvel acteur bankable d'Hollywood. Bah, non. Parce que Cameron est quand même. Non, c'est pas un bon acteur du tout, mais c'est pas un mauvais acteur Cameron, non plus, mais je trouve insignifiant, je trouve un peu fade en fait. Mm. Il a rien qui se démarque des autres. En fait, comme Cameron à l'époque du Titanic avait un peu boosté la carrière DiCaprio, enfin il Kate Winslet hein dans Titanic. Hein. Oui, puis même enfin quelque part, je pense que Schwarzy, enfin le rôle de sa vie c'est Terminator, ah bah, il a quand oui. même il s'est poussé les carrières. Et Worthington, à l'époque, déjà, je l'aimais pas beaucoup, et je me suis dit, putain, on va le voir partout. On l'a vu un petit peu. Et pourtant, c'est un mec qui est parti de rien. Avant de tourner dans Avatar, il dormait dans sa voiture. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais bon, bah voilà, on le revoit dans ce film. Et donc avec Teresa Palmer et Vince Vaughn aussi qu'on revoit. Ah, c'est elle, Teresa Palmer. Vince Vaughn qui revient aussi un peu. Ouais. Dans un truc sérieux, c'est cool. Vince Vaughn qui a bien forci d'ailleurs. Oh, ouais, bon, écoute. mais c'est vrai, je le revois dans Le Monde Perdu et je le vois là, je me dis putain. Ah oui, il y a une différence. Ah oui, ouais. oui. Donc, Morgane, toi, t'as vu la bande-annonce ou pas? Non, mais c'est qui peut-être. En fait, il a rien vu, Morgane. Ouais, non, il participe. Il non, mais c'est vrai. Il a vu aucune oui, alors, non, mais c'est vrai, cette semaine, j'ai pas vu beaucoup de choses. C'est pour ça qu'à la fin, vous verrez, il y a une petite surprise à la fin que je vous ai concoctée sur une bande-annonce que j'ai vue. Ouais, on vient de découvrir ça pendant le podcast. C'est pas sérieux du tout. Il a vu aucune bande-annonce qui méritait vraiment d'être vue. Non. Ouais, voilà. Si, le reste j'ai vu. Non, je crois pas. Non. Donc voilà, Axo Ridge, enfin moi ça m'intéresse, ça dit toi aussi je pense. Ouais, vraiment. Oui, moi aussi, je l'adore. Par contre, à la période où il va sortir, je le verrai pas... Au ciné. Bah ouais, je pense que je le verrai pas au ciné malheureusement. Mais ouais. Bon. Écoute. Voilà. On va passer ensuite à au Marvel. Avec Avengers 3. Qui change. Enfin, il y a eu tellement de trucs avec ce film que on ne sait plus en donner la tête. Mais donc, au départ, Avengers Infinity War était censé être un film en deux parties qui clorait la phase 3 de l'univers Marvel Comics. Mais finalement la deuxième partie a changé de titre, mais on connaît pas encore le titre. Donc pour l'instant c'est Untitled Avengers, donc Avengers sans titre. Donc du coup c'est toujours en deux parties, sauf qu'il y en a qu'un seul qui s'appelle Infinity War. Exact. D'accord. Voilà. Donc voilà, et entre les deux il sortira Ant-Man 2 et Captain Marvel. Donc, voilà. Ant-Man 2 qui devrait être centré sur La guêpe. La guêpe, ouais. Mmh, ouais, ouais. Et Doctor Strange, hein. Non, mais entre les deux, je parle entre Infinity War 1 et... Doctor Strange, c'est en fin d'année. Oui. Ah oui, c'est en milieu de phase 3, du coup. Oui, parce qu'à la base, j'avais lu, c'était une rumeur, qu'Infinity War, c'était pas en deux parties, que c'était en une partie. Ouais, c'est... Finalement, non. Voilà, c'est finalement, ils ont décidé juste de changer le titre, hein, c'est pas... J'ai quand même confiance en Marvel, parce que je vais les réhabiliter un petit peu. C'est vrai que j'ai tendance à dire que je suis un peu perdu, c'est juste moi qui piche que dalle, mais ils sont très cohérents quand même. Ils savent ce qu'ils font. Oui, bien sûr, mais c'est vrai faut quand même suivre, parce que sinon t'es vite paumé. Oui, c'est ça, mais ils sont très cohérents dans leur univers, dans la façon qu'ils ont d'intégrer leurs personnages, que voilà, malgré tout, même si j'ai du mal, je sais pas où donner de la tête à chaque fois, mais au moins, j'arrive, En fait, le mieux, c'est de les regarder au fur et à mesure, quoi. Bah oui. Mais de toute façon, avant de voir Doctor Strange, je vais me refaire tous les films de la MCU, y compris ceux que j'ai pas vus. J'ai pas vu Iron Man 1, j'ai pas vu Thor. Iron Man 1 qui est le meilleur Iron Man, pour moi. Ouais, clairement. Duquel j'ai pas vu. Attends. Ah, l'incroyable Hulk. J'ai pas vu. Ah, monsieur, et Captain America. Tu peux le zapper, il a pas vraiment une grosse incidence. Ouais, ouais franchement, il a aucune et incidence. Et Captain 1 aussi, je l'ai pas vu. Enfin, lui, ouais. Faut pas le zapper, mais il est pas bien. Non, moi, je l'aime bien, mais. mais au moins, voilà, j'aime bien. Marvel, malgré tout, mais en fait, Marvel, c'est vraiment. Enfin, je veux pas être péjoratif, hein. Mais c'est du fast-food, c'est-à-dire oui, mais que complètement, enfin. je crache dessus. J'ai tout le monde tendance à dire oh c'est vrai que c'est pas si bien que ça. Et au final, j'aime y aller quand même. C'est un peu, je sais pas. Moi, je trouve ça. En fait, Marvel, je trouve ça chiant quand tu les vois en solo, sans les rattacher à l'univers en fait qui est mis en place. Par contre, quand tu les regardes. Au fur et à mesure et enfin les films chronologiquement et ben il y a une vraie logique qui s'installe et du coup c'est plus intéressant. Mm-hmm. Ouais. Ce qui prouve et bien que finalement un univers cinématographique ça peut fonctionner. Ouais, oui complètement. Après la qualité des films, bon bah ça varie. Et ça, mais c'est normal aussi. Dans la cohérence même. Tu peux pas faire que dans la cohérence même de l'univers, je trouve qu'ils savent quand même où ils vont, ils sont assez cohérents. Mm. Ils vont pas trop vite. On en parlera en fin d'année. On en parlera en fin de dans le podcast de fin de l'été. Bon, pour le moment, par contre, le Doctor Strange, ça ne me tente pas du tout. Ah si, quand même. Non, non pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça va foutre le bordel, quoi. Là, c'est la magie qui arrive dans l'univers Marvel et je comprends. Ouais, mais je suis sûr qu'ils vont quand même rendre ça limpide. Il va y avoir un truc qui fait que ça va. Mais bien le truc, c'est que, Scarlet Witch, elle fait déjà de la magie. Elle utilise déjà de la magie. En plus, c'est un personnage secondaire, Scarlet Witch. Oui. Puis le casting, quand même. Mais oui, bon, bah oui, il y a Benedict. Benedict Cumberbatch. Et Matt Mikkelsen et Tilda Swinton. Non, mais voilà, c'est des films que après, personnellement. Après, c'est que je trouve que la bande-annonce me vend pas très bien le film, je trouve. Après, ouais. Le personnage est sûrement très intéressant, mais. Oui, il y a quand même des plans iconiques dans la bande-annonce qui, moi, personnellement, me fait un peu dresser les poils. Oh, ça fait un peu Inception. Hein. Complètement. Bah. Le truc, c'est que, à la base, Doctor Strange, le comic, ça a été fait avant Inception. Donc, concrètement, Inception, oui. Lui-même Inception. Mais bon. Enfin, même Inception, quand tu regardes bien, il paraît. Ouais, bon, vu qu'il sort après Inception, forcément, quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, ouais. C'est sûr. Bah, c'est comme Inception, à l'époque où il est sorti, on a beaucoup qui disaient que c'était comme Paprika de... Comment il s'appelle, Aide-moi, Axel. Oui. Paprika non, de... Normalement, je suis censé t'aider sur ce genre de non, truc. Non, pas Takashi Miike, l'autre, là. Comment il s'appelle? Pas Sonotion, que je suis con. Satoshi. Satoshi Kon. J'ai pas cherché voilà. Sur internet. Hein, C'est Satoshi Kon, voilà. Ouais. Mais au final, de toute façon, un film peut pas être original à 100%. C'est bien de s'inspirer aussi, et puis bon, voilà. Ouais, non, mais écoute, voilà. Et puis bon, c'était juste pour vous informer que. C'est bien de s'inspirer, mais pas de plagiat. Ouais. Exactement. Voilà, Avengers 3 sortira finalement quand même en deux parties, mais il y en a qu'une qui s'appelle Infinity War, et la deuxième, il n'y a pas de titre, voilà. Et le casting, putain, mais les nombres de, ils vont quand même, il y aura tout le monde, quoi. Ça va être énorme. Ouais. C'est ça qui fait que j'attends le film malgré tout. C'est là, il y aura les Gardiens de la Galaxie, il y aura tout le monde. Ils seront là, les Gardiens, on sait pas. Ben il paraît, si, hein. Si. Il paraît, hein. Ouais. Si. Moi j'ai peur que ce soit un peu le bordel quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Ah mais j'ai hâte. Parce que tu sais, sur une planche de comics, c'est facile de se repérer parce que c'est figé dans le temps. Alors tu peux voir tous les personnages qui sont là, tu peux voir ce qu'ils font. Alors que dans un film, ça peut peut-être aller tellement vite que tu peux pas t'en rendre compte de tout et j'ai l'impression que, enfin, j'ai peur que ce soit aussi fouillis. Parce que les frères Russo, bon, ils ont quand même bien géré leur Captain America Civil War avec. Bon, il y avait quand même pas mal de personnages déjà, mais là, intégré, c'est pire quoi. Ouais, si on a 64, c'est bon quoi. Bah après, si c'est en deux films, c'est faisable. Hein. En deux films de 2h30, je suis sûr qu'ils vont faire ça. Bah oui. Bon, c'est faisable. Hein. C'est vraiment faisable. Mais je m'attends quand même et ça, c'est le truc. Ça m'emmerde d'avance. On va finir la première partie par un gros truc, tu sais, ouais. Un cliffhanger. C'est de non, ça va être horrible. Et du coup, je pense que je vais pas aimer la fin du film à cause de ça. Ouais, sur la mort probable d'un personnage ou. Voilà, ça va être un truc. Et à la fin, ce sera écrit un film by les frères Russo. De... Oh non. Parce que bon, surtout... on sait bien que, enfin, Iron Man et compagnie. Maintenant, bon, mais bon, ils vont céder aux autres, quoi. Ils ont encore le temps d'y réfléchir. Non, c'est de voir tous ces égos, c'est vrai qu'indépendamment, j'adore les Gardiens de la Galaxie, j'aime bien le personnage de Tony Stark et tout, c'est vraiment comme Avengers où j'aimais même si j'aime pas le film, et j'aimais bien les voir interagir entre eux, et c'est pour ça que j'aime bien Civil War. Là, c'est vraiment c'est multiplié par par deux, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de gens. Moi, ce qui me fait peur, c'est que finalement, il y ait trop de personnages et qu'on on puisse pas du coup prendre le temps de s'intéresser à eux, à chacun d'eux. Bah, faut voir le traitement. Bah, je pense que les frères Russo, en tout, parce que les frères Russo, en tout cas sur Civil War, déjà, bon, même si c'était qu'un personnage, mais je trouve que le Peter Parker, ils l'ont bien introduit quand même. Oui. Même si je suis pas fou du personnage. Après, faut voir comment ce que ça va donner sur deux films. Je pense que le premier film, ce sera pas de l'action. Alors, sachant que Spider-Man aura eu son film solo avant Avengers 3. Voilà. Logiquement, donc, non? Ils ont compris. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, c'est de voir, parce que, comme je dis, je pense que le premier film, ce sera que du dialogue et très peu de scènes d'action. Il y aura vraiment pas beaucoup Un peu comme Harry Potter, quoi. Ouais. Et c'est pas plus mal parce que Harry Potter 7.1, il est assez. Moi, je le trouve mieux que le 2, hein. Ouais, largement. Bon, j'aime bien la suite, mais j'aime bien le 7.2, mais 7.1 a vraiment. On se pose vraiment dans cet univers, quoi. Mmh. Par contre, vous êtes content que ce soit les frères Russo au lieu de Josh Whedon, du coup? Si on est, ça plaît pas. Bah, moi, je trouve qu'ils font du bon boulot sur Captain America. Mmh. Et du coup, avec Civil War, ils prouvent qu'ils sont quand même capables de gérer des gros films avec pas mal d'intrigues et de thématiques et tout. Mmh. Donc non, moi je ouais, mais Joss Whedon c'est je sais pas, je l'aime bien, hein, mais je sais pas, il a pas une réalisation qui me marque tant que ça, et le traitement qu'il a des personnages est pas non plus y a pas vraiment de réalisation qui sort du lot dans les Marvel, hein, c'est, mais bon, voilà, ça c'est ah, par Kenneth Branagh dans Thor 1, ouais, avec son cadre penché. C'est quand il a oublié de fermer les vis de son pied de caméra et que c'est tombé de côté. Après, quoi. Ouais, une réalisation qui aurait plus marqué que d'autres sur tous les films sortis. Franchement, bah, les Gardiens de la Galaxie, ouais, si, quand même James Gunn, ouais, il a quand même, oui. Mais bon, les gens continuent de le mettre à part, ce qui est totalement con parce que c'est dans la MCU. Merde, j'ai fait un lapsus, mais à part lui. Bah, il est dedans sans avoir d'incidence pour le moment. Ouais, mais bah, il y a Thanos, quoi. Ouais, puis encore, Thanos, depuis le temps qu'il nous le tease et puis qu'il fait rien. Ouais, mais on le voit quand même, c'est ça qui est bien dans les Gardiens de la Galaxie, on le voit. Ouais. Mais c'est vrai que Thanos, là, c'est un peu attendre. Un peu, ouais. Ben, un peu beaucoup, même, je trouve. Depuis 2012, hein. Voilà, donc bon, vous êtes bien mignons, les gars, mais à un moment, il va falloir nous le sortir, votre bonhomme violet, là. 2012-2018, hein. Ouais. Josh Brolin, il va avoir un rôle aussi long que le mec dans Boyhood. C'est ça. Ça va être le rôle de sa vie, à Josh Brolin. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire, on va passer à la suite. On va prendre moins longtemps, je pense, que pour Avengers. Moi, c'était juste rapidement pour dire... Enfin, je sais pas qui c'est qui a vu la bande-annonce. Non, pas moi, ça m'intéresse pas. Ok. Morgan, t'as pas vu? Ok, c'est bon. Non, parce que je suis pas fan. Je suis pas fan musicalement de ce. Ah si, moi j'aime bien la petite dose, quoi. Après, c'est pas ma génération du tout, donc il y a forcément des chansons qu'on connaît du groupe, mais après de là à aller voir un documentaire sur eux, non, je suis pas. Ok. Donc voilà, moi c'était juste rapidement pour vous dire qu'il y a la bande annonce d'un documentaire qui sort sur les Beatles, Beatles 8-8. 8 Days a Week, pardon, réalisé par Ron Howard. Donc quand il a le temps, entre Inferno et tout ça, il réalise un petit documentaire sur les Beatles, tranquille. Donc voilà, le film sort le 15 septembre. La bande-annonce, ils ont trouvé des images d'archives qui ont jamais été diffusées, donc ça a l'air intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup le groupe, donc j'irai peut-être pas le voir au cinéma parce qu'il passerait sûrement pas dans mon cinéma, mais voilà, c'était juste pour vous annoncer qu'il y a un documentaire sur les Beatles. Il y a un titre, non? Oui. Oui, il vient de le dire. 8 days a week. Ah d'accord. 8 jours. Ouais, ils auraient pu faire un titre cinématographique Beatles Juice. Ça aurait été bien qu'ils fassent ça. Non, mais heureusement que tu n'es pas producteur. Marketing. Je te dis pas. Sinon, on aurait que des jeux de mots dans les titres. C'est horrible. On vivrait dans un monde absolument horrible, je crois. Merci. Avec que des jeux de mots pour des titres. Enfin, voilà. On passe ensuite à premier teaser du nouveau film de Christopher Nolan, donc Dunkerque. Ça fait tellement rêver ce titre. Ouais. Mais oui, ah non, mais ça fait quand même Dunkerque, ça me fait penser à un film de Bruno Dumont, quoi. Ouais, c'est ça, mais complètement. Il y a vraiment le anti-spectaculaire opposé. C'est ça. Tu penses au carnaval en plus, de il Dunkerque va où il se balance des harengs sur la tronche. C'est ça. Autant le titre, tu sais, Dunkerque avec, tu sais, écrit façon à l'américaine là. Ça va, c'est cool. Dunkerque. Mais là, ça va s'appeler. Ouais, là, ça va s'appeler Dunkerque comme la ville, quoi. Je sais pas, c'est. Dans le nord, pas de Calais. Mais le. C'est, oui, c'est donc... bien dans le nord, pas de Calais, Dunkerque. Oui. J'ai deux amis qui ont été figurants d'ailleurs. Ah ouais. Sur la scène c'est de la plage. Des... Enfin, c'est eux qui font des facepalms. Qui sont dans le bateau là et qui. Non, mais faudrait que je leur demande. Qu'il est vraiment maudit amis, pour ça, de Christopher Nolan. Pour les figurants qui n'ont pas du tout les expressions adaptées en fait. Ah mais bah, t'as... On sait pas, il est peut-être content de voir un avion. Ouais. Un avion. Juste la tronche du mec qui se retourne en voyant l'avion. Et tout le monde l'a vu alors que. Un avion. Au final, il est. Au final, il est loin sans être loin. Enfin, il est proche. Enfin, bref. Et les gens l'ont remarqué. Et du coup, mais je pense qu'il va. Enfin, il y a sûrement des techniques aujourd'hui pour le couper. C'est à l'image, quoi. Bah ouais. Mais non, pour mais ça faire un gros trou. Tu l'as montré la bande annonce. Tu vas pas le couper numériquement. C'est complètement. Bah où tu coupes enfin, la scène. Hein. Bah non, je pense que ça a coûté pas mal d'argent de mettre toutes ces personnes dans un. Mais il va se faire lyncher. Faut trouver le nom. En plus, il est français, c'est sûr. Voilà, en France, on sait pas jouer. Voilà, Marion Cotillard. Maintenant, c'est lui. C'est ça. Il va Christopher avoir Nolan et la malédiction des acteurs français. Il va avoir ils vont tout, tu sais tous les soldats vont avoir des morts à la Marion Cotillard. C'est ça. C'est bon, c'est dans la boîte, c'est aussi nickel, c'est bon. Tu sais en fait, ils voulaient se venger de tout ça et ils se sont dit bon, ils m'ont foutu la merde pour une seule mort, et eh ben je vais en foutre 40 000. Voilà, c'est ça. Ils vont verra. Voilà. Bon, le premier teaser de ce nouveau film de Christopher Nolan. On voit pas grand chose. Qui se passe durant la bataille de Dunkerque, qui est aussi connue sous l'opération Opération Dynamo, déroulée entre le 27 mai et 4 juin 1940 dans le nord de la France. On retrouve Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Harry Styles ou Kenneth Branagh. Des One Direction. Ouais, ouais. Ce qui est bizarre, c'est que oui. Exactement. Alors, ce qui est très bizarre, je pense qu'il y a une indulgence avec Nolan, parce que autant sur un autre remake, vous savez le remake de Jumanji, on a appris qu'il y allait avoir Nick Jonas qui allait être au casting. Qui s'en prend les gens étaient là. D'ailleurs. Oh là là, c'est trop nul, Nick Jonas. Là, il y a Harry Styles. Oh, non, c'est cool, c'est Nolan. Je trouve qu'il y a quand même un gros foutage de gueule dans les. Enfin, faut être cohérent, quoi. Si on veut pas des chanteurs en gros pour midinette dans un film, c'est pas parce que c'est Nolan qu'il faut l'accepter. Mais c'est bizarre. Ouais, voilà. Donc, mais ça, j'ai hâte de le voir parce que Harry Styles. Bah, si Nolan l'a choisi, c'est que c'est pas. Enfin, il a. Oui, Style, pardon, Harry Styles. Je le dis de façon. Voilà. S'il l'a choisi, c'est peut-être que c'est pas non plus un mauvais acteur, mais je suis curieux parce que. Ouais. Voilà. Ben ouais, cohérent les gars. De toute façon, on voit pas énormément de choses dans cette bande-annonce. On voit rien. Bah, c'est un teaser. À part le plan final. Juste, pour moi, les seules images intéressantes, c'est la dernière image où tout le monde se baisse dans le bateau. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais c'est tout. Enfin, la gueule du mec aussi m'a marqué, mais c'est pour une autre raison, quoi. Non, mais c'est bizarre, c'est que je l'avais pas vu ce moment-là et j'étais tellement à fond dans le truc et quand on me l'a fait remarquer, je fais. Et maintenant, je vois que ça. Ouais. Et c'est extrêmement troublant. Ouais. Bon, voilà. Eddie, toi, t'as vu le. Ouais, enfin... oui, je l'ai vu quand elle est sortie. Bah, c'est Morgan, d'ailleurs, qui l'a partagé, du coup, je l'ai vu. Mm-hmm. Et, en fait, Christopher Nolan, il a vraiment cette capacité à ne pas me donner envie de voir ses films, mais finalement, j'y vais quand même. Je trouve que les bandes annonces et les teasers de Christopher Nolan, je les trouve pas, enfin, Interstellar, ça me, Inception, ok, ça se démarquait. Mais c'est vrai qu'Interstellar, ça m'avait vraiment pas. Ouais. Pendant longtemps, j'avais dit, ça va sûrement être très bien, mais alors pour le moment. Donc là, je sais pas. Le seul truc que je trouve bien, ce sera sûrement très bien foutu. Il y aura vraiment j'imagine, de très beaux plans sur la plage et tout. Ce sera prétentieux. Oui, Ouais, de toute façon, tous les Nolan haters vont ressortir de leur Nolan, Dolan et compagnie. C'est toujours prétentieux quand ça finit en LAN. Donc, voilà. Ouais. mais, Merde, qu'est-ce que je voulais dire? C'était très intéressant, ce que je voulais dire. Ouais, très bien filmé. Voilà. Non, non, c'est surtout, ça va réhabiliter un épisode historique qui est quand même assez méconnu en France. Ben, pas très connu, hein. C'est vrai. Moi, je connaissais pas. Et finalement, voilà, ça a été un plus important qu'on peut le penser. Donc, c'est bien. Si ça peut permettre aux gens de... Ben oui, oui. Si ça peut sensibiliser un peu les gens sur cet épisode-là, c'est bien. Ben oui, oui. Nolan arrivera justement à rendre le truc assez ludique, mais en même temps cinématographiquement, voilà, c'est pas un raté, hein. Donc, non, puis il sait raconter des histoires, Nolan. Hein. Nolan. Ah oui. Oui. Lapsus. Oui. Bon, Nolan aussi pour moi, mais bon. Non, c'est un prétentieux. Oui, c'est vrai, c'est prétentieux. Moi, j'écarte mon écran pour montrer que mon personnage est libre. Il a fait l'école de la vie. Oui, c'est ça, avec les assez doux en plus. Bon, bon, bref. Elle est pistonnée, les assez doux. Ouais. Dis ça alors que le réalisateur, l'homme Dolan, je trouve insupportable, mais le réalisateur, j'ai un contre lui. Il fait des films. Heureusement qu'il en fait des films, sinon. Oui, il est réalisateur, voir, heureusement qu'il fait des films. Bah oui. Bon. tu voulais dire quelque chose, Morgane, par rapport à Dunkerque? Ville ou non? C'est bien, oui, non, par contre, c'est bien. C'est un teaser sans les gros booms. Voilà, je m'attendais vraiment, tu sais, avec le D, tan, U, tan. Ouais. Tu sais, avec le titre. Ah, non, ouais. Finalement, il est très sobre. Avec les balles, tu sais, tan. Ouais, un peu à la Prometheus, là, ou je sais pas. Avec derrière, ah non, avec la voix les de balles, ça aurait trop fait Robert Rodriguez, attends. Ouais, ouais, ça. Avec la voix de Galabru derrière. Dunkerque. C'est le Nord. Mais je me demande s'ils vont avoir des accents du Nord pour. Après, est-ce que les gens... Bon, par contre, c'est bien aussi, parce que vu que ça a été fait à Dunkerque, ça va relancer... Enfin, de toute façon, le tournage est fini, je pense. Oui, mais je pense que ça va inciter les gens à aussi aller... Non, le tournage à Dunkerque, il est fini, mais le tournage en lui-même, global, il est pas fini. Bah, il est en post-prod, quoi. Ouais, en post-prod, mais... Après, les scènes extérieures de Dunkerque, je pense qu'elles sont terminées, oui. Oui, oui. Oui, voilà, mais voilà. Il doit rester des scènes en studio, ou... Ouais. Voilà, il sort quand déjà du coup, j'ai pas. 19 juillet 2017, donc on a le temps. On a le temps. Ah bah là, ça va être le film de l'été pour tout le monde, ça y est. Ouais. C'est les gens comptent déjà. Bah ou pas, hein, tu sais, les films sur la Première Guerre mondiale, c'est fédérateur ou pas, hein, c'est. Deuxième. Ouais, la deuxième. Deuxième. Enfin, c'est vrai que c'est souvent soit ça marche et tout le monde y va, soit ça marche pas et voilà. Ouais. On est le 16 août 2016, je prends les paris maintenant, dans un an vous réécoutez le podcast et vous vous direz Morgan a raison, je vous explique pourquoi. Il y a évidemment les haters de Nolan qui vont pas s'empêcher de comparer à Spielberg et qui vont dire il faut sauver le soldat Ryan, Spielberg au moins il était dans l'émotion, mais là franchement c'est que de la prétention, c'est que de la copie, alors Nolan n'invente vraiment rien. Voilà. Et vous pouvez être sûr que vous le lirez. Voilà, je vous le dis. Mais peut-être. Rendez-vous dans un an. Mais prenons les... pas les paris, prenons mais les paris. Nous prenons en note cette considération, Morgan. Ouais, exactement, et on repassera quand on parlera de Dunkerque dans le podcast. Voilà. J'ai hâte que la bande-annonce sorte déjà, parce que ouais. Pour oui, voir moi au moins aussi, un du peu coup, comment les... Même si, bon, dans la logique des choses, ça devrait pas me donner envie, mais peut-être que... Mais c'est surtout que, surtout que Nolan, il a vraiment cette... C'est un des rares à susciter le mystère, à ne pas en montrer, il supervise ouais, toutes les bandes-annonces. C'est vraiment bien. C'est, voilà, c'est donc... Bon. Je pense qu'il va montrer, bah, pour le coup, vraiment ce qu'il a envie de montrer, et je pense que si ça donne pas envie, c'est bon signe. Oui. Ouais. Non, mais c'est pas faux, hein, ce que tu dis, hein. Oui, complètement. Donc, voilà, je pense que la bande-annonce sortira, octobre, novembre. Ouais, je pense, ouais, sûrement. Je pense. Allez, décembre. La première, en tout cas. Ouais, ouais. On va passer ensuite. Moi, il y en aura 22. Non, je pense pas. Non. On n'est pas chez les Marvel. Non, puis c'est assez solennel quand même comme sujet. Donc, Oui, oui. On va passer ensuite à quelque chose qui n'est pas solennel du tout. les Animaux Fantastiques. Donc on en parlait déjà le mois dernier, la dernière bande-annonce qui était sortie. Et juste après, ils nous ont annoncé qu'il y aurait finalement déjà une trilogie en préparation des Animaux Fantastiques. Ouais. Le premier n'est même pas encore sorti. Et donc c'est évident. Ouais, le 2 c'est officiel, enfin sortira en 2018 et le 3 sortira en 2020. Bien sûr, J.K. Rowling se plancherait actuellement sur le troisième épisode déjà, comme elle a déjà écrit le deuxième sûrement, je sais pas, je suis pas très au courant de ce genre de choses. Après qu'elle ait dit en plus qu'elle arrêtait Harry Potter, l'univers, enfin, elle arrêtait Harry Potter mais elle continuait dans le même univers, voilà. Je sais pas quoi dire. Ah, moi, je trouve ce projet dégueulasse. Hein. Les bandes annonces que je vois me donnent pas plus envie que ça. Non. Mais c'est du foutage de gueule, j'ai l'impression, en plus, parce que. Harry Potter 8, hein, je l'ai dit. Mais on te ressort le thème musical d'Harry Potter, alors qu'en plus, ça va même pas. Enfin, on entend juste parler d'Albus Dumbledore, quoi. Mais c'est même pas sur Poudlard, Harry Potter. Ouais, c'est à New York. C'est même pas sûr qu'il nous en parle. Donc c'est. On joue bien sur la nostalgie des fans. Et puis bon. C'est ça. Petit tac à Warner. On est tellement con parce qu'on sort pas les bonnes versions de nos films DC Universe, alors on n'arrive pas à le lancer. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler J.K. Rowling, on va lui demander d'écrire une nouvelle histoire sur Harry Potter parce que ça a marché. Et puis, ben, on va se remplir les caisses comme ça, quoi. On lui donne un bon gros chèque avant. C'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment. Faut la comprendre, elle est en situation de précarité. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Elle est sortie de la situation de précarité depuis très longtemps. Hein. Ouais, et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment très malhonnête, en fait. Ouais, non, mais complètement. Et, enfin, de toute façon. Vu les retours qu'il y a eu sur le bouquin Harry Potter 8 et tout ça, j'irai le voir parce que j'aime bien l'univers, mais c'est vrai que là pour le coup le projet je le trouve pas, c'est pas humble du tout quoi. Oui mais complètement. C'est pas désintéressé non plus quoi. C'est pas on veut raconter cette histoire parce que elle a été écrite depuis longtemps et tout. Enfin, elle l'a écrite pour qu'elle soit derrière, adaptée, quoi. Enfin, le livre des animaux fantastiques, tu peux même pas le lire, il me semble. Je crois. Si. Je sais pas. Écoute, là, je peux pas te. J'ai cherché sur Amazon pendant que Morgane m'explique quelque chose. Oui, parce qu'en fait, alors par rapport au mauvais retour d'Harry Potter et comment ça s'appelle, Cursed Child, l'enfant maudit. L'enfant. Voilà, c'est plus simple. J'ai du mal à prendre en considération les mauvais retours parce que autant un bouquin, je comprends qu'on puisse le lire, mais lire une pièce de théâtre, c'est je trouve ça con. Ouais, mais c'est déjà fait. T'as jamais lu une pièce de théâtre au primaire? Bah écoute. Bah oui, mais je sais t'as pas. T'as jamais lu L'Avare ou enfin du Molière tout si, ça? Si, mais c'est différent. Hein, c'est-à-dire, ben, si c'est différent, mais à la fin, oui. Oh, oui ah si, elle a vraiment écrit le livre. 19, c'est vrai. 19 justement, novembre j'allais dire. Hein, c'est, ouais. Non, mais disons que c'est le comment dire. Il me semble que en tout cas pour la pièce a été écrite, enfin Harry Potter 8, mais ils ont parce qu'ils savaient que les fans étaient curieux de savoir voilà, donc ils ont sorti le truc en bouquin, mais ils auraient mieux fait, je pense, parce que même si à l'époque on pouvait lire, parce que Molière tout ça c'est banal maintenant, enfin on est habitué, mais aujourd'hui de lire une histoire à Harry Potter à travers un script de pièce de théâtre, ça me paraît un peu compliqué. Donc apparemment ils ont rien changé, il y a vraiment le côté une porte s'ouvre, Harry dit bonjour, il ferme les yeux. Je pourrais pas moi. Déjà je suis pas un bon lecteur et je pourrais vraiment pas quoi, ça me sortirait du truc. Donc et de toute façon je pense qu'ils le feront en film tôt ou tard, enfin très tard je pense, mais ils le feront c'est sûr. Ouais, quand ils auront plus d'idées. Je sais pas. Non, ils ont fait la prélogie, la postlogie, là. Non, tout simplement comme quand les acteurs seront très vieux, tu vois, ils les feront revenir. Enfin, tu vois, c'est sûr, quoi. Ouais. Mais je suis quasiment sûr. Ils nous la feront à la Star Wars 7. Bah, Rupert Grint, il dira pas non, hein, parce que vu sa carrière. Le pauvre. Oh, le pauvre. Mon Dieu. C'est le meilleur en plus. Bon. Et sur les animaux fantastiques, je suis du même avis qu'Eddie. Je trouve pas ça honnête. Mmh. Alors. Après, ce qui me... Quentin va nous détester. Ce qui fait que je peux pas trop haïr le projet comme ça, je suis pas envahi de bande annonce. Mais non, mais moi non plus, je ne haïs pas. Ça, c'est cool. Je déteste pas le projet, mais c'est la démarche que je me sens pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais à côté de ça, je suis pas envahi par la promo, tout ça. Enfin, au moins, je suis tranquille. Voilà, pas encore. Parce qu'après, le film sera peut-être très divertissant et tout. Puis bon, l'univers est quand même plaisant. J'aime bien un univers intéressant quand même, je trouve, avec Harry Potter. Ouais. Donc bon. Ouais. J'aime bien Eddie Redmayne après, j'avoue. Non, moi j'aime pas. Et il prend un malin plaisir, enfin il prend un tout plaisir à justement à aller au Comic Con, tout ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que derrière, je sens vraiment pas l'intégrité du projet. Non, et justement, se servir de la nostalgie des fans pour pouvoir se remplir les caisses et servir un film. Parce en que Warner, ils espèrent beaucoup, hein, des animaux fantastiques, faut pas se leurrer. Hein. Ouais, bah, s'ils ont déjà prévu la trilogie, c'est qu'ils misent gros. C'est là, ça. Déjà. Donc, puis je veux dire avec ce qu'ils produisent. Enfin, quand tu vois comment Batman v Superman s'est ramassé la tronche, et Suicide Squad est en train de faire la même chose. Hein. Ouais. Là, il commence à flopper là. Bah oui, ouais. Là, il flippe. Hein. Mais et comme pauvres, je disais, Axel, les pauvres, il leur manque $1 milliard. Ouais. Bah, et comme je disais, Axel, le mois dernier, il me semble qu'on en parlait. Je pense qu'Harry Potter, la meilleure façon pour une saga comme Harry Potter de vieillir, c'est de ne pas y toucher. C'est justement de garder. Oui. Ok, il ressort des éditions Blu-ray là, et justement, c'est au mois de septembre, il y a une édition Blu-ray. Ça, c'est normal. Sortir. Des restaurations. Voilà, de restaurations, c'est bien. Et des rééditions, parce impact. Que bon. Voilà, ça c'est cool. Puis bon, mais sur une saga de 8 films, t'as forcément des bonus à sortir aussi. Non, mais oui, ça, ouais. Et ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que l'idée de relancer, même, enfin, c'est, on relance pas directement Harry Potter, mais voilà, on réveille, il y a on réveille le souvenir des fans. Mmh. C'est ça qui fait. Et c'est vrai revenir. Que quand t'entends le thème d'Harry Potter dans la bande-annonce, tu y penses tout de suite. Ah ben oui. Mais ben oui. Finalement, Harry Potter, il est pas dans le film, il y a pas forcément de lien direct avec lui. Mais par contre, on te signifie bien que ça appartient au même univers avec cette. Avec ce thème-là, donc bon. En fait, bah, ils veulent pas trop se démarquer de Harry. Je sais pas. Ils veulent pas trop se démarquer. Enfin, ils vont. Oh merde, je la refais. Ça manque d'audace, ce projet. Ça manque d'audace, mais il se démarque pas trop de son aîné, justement pour pas que, enfin pour bien signifier aux fans que il y a un côté Harry Potter. Donc, si vous aimez Harry Potter, venez. Et il y a vraiment un côté, voilà, je vous prends par la main, mais après faut voir le film terminé. Pour Warner, ça fait un peu le projet de sécurité, quoi. On reprend David Yates, ouais. On reprend J.K. Rowling, on remet Harry Potter, enfin en gros, on remet l'univers d'Harry Potter en selle, voilà. On va se faire un peu de fric, ouais. Là, c'est quasi sûr. Ouais. Normalement, on devrait se faire un peu d'argent. Bon, peu importe le réel, hein. Je pense que même les fans d'Harry Potter, enfin. Ouais, mais justement, tu vois, jusqu'à aller reprendre David Yates. Quand même. Oui. Oui, parce que c'est lui qui a fait les derniers. Oui. Mais David Yates, quand je regarde bien, même si j'aime beaucoup Harry Potter dans son évolution, cinématographiquement parlant, le 3 et même le 2, ça reste pour moi mes deux préférés. Le meilleur, c'est le 3. Enfin, même au niveau de l'univers, quand t'as lu les bouquins, moi je trouve que le 3, c'est celui qui correspond au mieux. C'est le meilleur. Ouais. C'est là où je me suis arrêté, juste bien. Mais après, les puristes d'Harry Potter, je pense qu'ils s'en foutent un peu que ce soit David Yates. Oui, bien sûr. Machin, eux, c'est juste Harry Potter, point. Et au contraire, ceux qui aiment pas trop Harry Potter, ils ont tendance à plus tilter sur la réal. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu entre les deux. Autant le 3, je trouve qu'il se démarque, mais j'aime beaucoup Harry Potter, j'ai grandi avec cette saga, donc je pardonne vraiment le côté faiseur de David Yates. Donc c'est pour ça que David Yates ou pas, je pense qu'ils s'en foutent. Et puis après, il a quand même fait des bonnes choses sur Harry Potter. Moi, je trouve que le Prince de Sang-Mêlé, quand même le mal-aimé avec l'Ordre du Phénix parmi les films, il y a vraiment des trucs intéressants hein, dans le Prince de Sang-Mêlé. Hein. Il reprend des choses du premier, puis il les rend plus sombres pour bien voilà signifier que bah ouais ça l'histoire a avancé, les personnages ont grandi et tout. Enfin, il a essayé des trucs quand même, je trouve. Il est pas faiseur, ok, oui, mais bon, il y a des intentions quand même derrière. Oui, quand même. Mais après, bon, c'est bon. Enfin, le Prince de Sang-Mêlé, c'est pas mon préféré, mais. Mais il est très long, le Prince de Sang-Mêlé. Le 7.1, il est excellent. Mm. Oui, il y a des bonnes idées dans cette point aussi. Mais je suis pas. Non, les animaux fantastiques, ça sent pas. C'est pas un texte. Non, puis ce personnage a pas l'air hyper. Surtout s'il y a dit Redman, alors toi tu vas. Ben moi il me saoule, hein. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fait tout le temps les mêmes grimaces et tout. Écoute, hein. Ouais, bah, je sais pas. Enfin, moi j'ai pas vraiment d'avis dessus puisque. Je suis pas un fan d'Harry Potter, donc du coup. Mais c'est pas un univers qui te parle tant plus que ça. Non, non. Et puis ceux qui osent le comparer au Hobbit. Mais non, mais ça. C'est pas pareil, enfin. C'est n'importe quoi. Autant le Hobbit, tu peux le comparer à la prélogie Star Wars, quoi. Parce que c'est un peu la même démarche, mais bon. Puis même. Au niveau cinématographique. Mais... Voilà, mais même en termes de scénario, c'est différent. Oui, complètement. Après, voilà. tu peux tout comparer à ce moment-là, hein, je veux dire. Ouais. Oui, complètement. Bon, on va passer à Mary Poppins. Oh, la transition. Mary Potter. Oh, putain. La transition. Et alors, le titre en plus de cette suite. Ah, oh, ça fait The Dark Knight. Mary Poppins. Sérieux. Ah ouais. Returns. Returns. From the grave. Ouais, c'est ça, ouais. Super califragilistes. Ils ah ouais, c'est carrément ça. En plus, c'est Julie. Donc, pourquoi on en parle Julie parce Andrew. Que Julie Andrews et donc Dick Van Dyke, ouais, qui devrait revenir pour faire soit un caméo, soit une apparition un peu plus longue dans Ah oui, Mary c'est juste Poppins pour ça. Returns. Ouais. Ah oui, moi je pensais qu'ils avaient des rôles. Bah, pour l'instant, on sait pas encore. On sait pas, mais ce. Ouais, ils sont plutôt jeunes maintenant, mais. Ouais. Je pense pas qu'elle va reprendre son rôle de Mary Poppins. Puisque c'est. Bah, si, mais sauf qu'elle remplace le parapluie par le déambulateur. Puisque c'est. Ça, c'est méchant. Puisque c'est Emily Blunt qui reprend le rôle de Mary Poppins. Mais donc voilà, il devrait normalement faire un. Elle est incroyable, cette actrice, quand même. Elle fait tout aussi, elle, hein, Emily Blunt. Ouais, c'est une touche à tout, ouais. Ouais. Ouais, donc voilà, si ça vous intéresse de voir ce film. Et... Clairement non, parce qu'en plus c'est l'autre là, oui, Marshall voilà, là, dit. Je sais plus quel que c'est, si c'est Rob c'est ou c'est Frank. Rob Marshall. C'est Rob Marshall, donc c'est celui qui a fait Into the Woods. Ouais, Into the Woods, Nine, le dernier Pirate des Caraïbes là, pas celui qui va sortir mais le 4 là. Mmh. Ah, ça va être beau, ça va être trop bien. Voilà, donc bon, déjà ça fait pas rêver ouais. Et ah non. Et mmh. Voilà, et puis bon, puis non, encore une fois, Mary Poppins c'est trop intemporel pour qu'on en fasse une suite quoi. Surtout ouais. Aussi longtemps après, qu'est-ce que ça va apporter? Bah, quand ils ont fait des suites à Panthère Rose et des trucs comme ça, on a vu les résultats. Donc voilà. bah, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me tente. Après c'était juste pour dire que Julie Andrews et Dick Van Dyke seront de retour. Dick Van Dyke a quand même 90 ans. Hein, donc, ouais, voilà. Bien. Ouais. Je sais pas comment ils vont réussir à le placer. En plus, il a plus été dans un rôle important depuis 40 ans. Mm. À part son rôle dans Mary Poppins, de toute façon, il a jamais ouais. Il a pas eu une carrière non plus. Oui, oui, oui. Mais après, c'était voilà. Plus du théâtre et du burlesque, Dick Van Dyke. Et la télé aussi, voilà. Il faisait des émissions télé, ouais, ouais, lui. Hein. Ouais, ouais. Bah, dans Madame Doubtfire, ils en parlent, ils regardent une Van Dyke. Oui, ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Pour moi, tu dis Dick Van Dyke, je pense à ça. Hein. Mais vraiment. C'est vrai, les enfants regardent ça dans Madame Doubtfire. Ouais. Ouais. Oui, justement. Voilà, c'était juste pour dire ça. On passe ensuite à quelque chose qui nous emballe plus, ah bah oui, je pense. Carrément. Donc Silence, le prochain film de Martin Scorsese qui se fait Silence. Vraiment Silence. Attendre. Silence. Donc on a enfin une date de sortie pour le prochain film de Martin Scorsese. Et depuis le temps qu'on l'attendait cette date. Il sortira le 18 janvier 2017. Ah mais 2017. Voilà. Enfin, on dit ça chaque année. Ça va être une très bonne année. Ouais. À chaque fois. Là c'est ambitieux comme projet. Ouais, non mais on en parle depuis assez longtemps, ça fait, enfin c'est l'adaptation... Ça a été compliqué, hein, donc... Oui, ça a été compliqué à filmer, je sais pas ce qui a pris aussi longtemps à filmer... Non mais filmer, c'est qu'il y a eu des décès sur le tournage, donc du coup... Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Donc le film est adapté du roman de Shusaku Endo qu'il a essayé d'adapter depuis 1988, donc c'est quand même un petit moment. Donc ça parle d'un missionnaire jésuite portugais persécuté avec d'autres chrétiens dans le Japon du XVIIe siècle. On retrouve Liam Neeson, Andrew Garfield encore une fois, Adam Driver et Tadanobu Asano. Liam Neeson, je sais plus si c'est sa première collaboration ou pas avec Ouais, je suppose. Voilà, donc on a enfin une date de sortie. Je pense que c'est un peu idiot de demander, mais je pense que vous l'attendez. Oh bah mais oui. Non, Liam Neeson, il a joué dans Gangs of New York. Ah, oui, c'est vrai. Sérieux mais il joue le père de DiCaprio. Ouais. J'ai pas un grand souvenir de ce film. Mais c'est vrai que le casting donne vraiment envie quand même. Moi, c'est l'histoire surtout qui. Ouais, Scorsese, l'histoire et puis Scorsese. Enfin, c'est vraiment un tout parce que moi, même Karan Inz qu'on voit dans. Il a joué dans Game of Thrones, lui. Mmh. Ouais. Il avait un super rôle d'ailleurs dans Game of Thrones. Il jouait le chef des sauvages, je crois. Oui, ouais, si, c'est possible, ça. Possible. Et puis même Adam Driver et tout, qui est quand même, enfin voilà, bon, il y en a plein qui lui chient sur la gueule depuis Star Wars, mais moi je trouve que c'est un super acteur qui a une vraie gueule, quoi, un vrai charisme et tout. Donc, enfin, il était très bien dans Midnight Special. Voilà, c'est ça. Il était très bien aussi, donc bon. Ouais, non, mais ça me tente vraiment, c'est une histoire. Ouais, forcément. Après, voilà, énormément. Maintenant, c'est vrai qu'on, bon, enfin, on en avait déjà parlé, c'est plus le fait qu'il y ait une date de sortie, là, ça y est, ça se concrétise. Enfin, c'est officiel, on le sait. Et surtout qu'on va avoir bientôt une bonne annonce. Ouais. Ça c'est surtout... Attendez, d'ici qu'on dise pas, finalement, repoussé à été 2017. Non, je pense jamais. Que ça a été suffisamment, repoussé déjà. Ouais, ouais. Enfin, c'est, non, ils officialisaient pas de date de sortie parce que justement il y a eu des problèmes. Mais là je pense que maintenant ça y est, le film est clairement en post-prod. Donc je pense qu'ils sont rodés là-dessus. Ouais. Donc, Et puis maintenant le problème c'est que s'ils le repoussent, il peut pas forcément concourir non plus aux César, aux Oscars. Aux Oscars, ouais. Bon. C'est vrai. Donc bon. Déjà le 18 janvier c'est quand même tard pour un film qui veut concourir aux Oscars, mais voilà. Donc on passe ensuite au monde de Narnia. Donc ça fait des années que projet d'un reboot du monde de Narnia semble officiellement relancé. Bah depuis le 3 en fait. Qui avait pas fonctionné et qui était pas bon de toute façon. Cette saga en film, elle est mal barrée depuis le début, je trouve. Elle est mal barrée depuis 2008 quand le deuxième volet n'a pas fonctionné. Ouais, mais même je trouve qu'elle est sortie à un moment. À la fin du Seigneur des Anneaux, il y a quelque chose. Enfin, les gens, ils attendaient plus ça, quoi. Automatiquement. Ouais. Tu vois. C'est ça. C'est. Ils se sont dit, ah, ça fonctionne. Il faut qu'on achète une licence absolument pour qu'on la fasse. Et Narnia 2, il paraît que il y avait la scène de bataille. Ça avait été mentionné dans pas mal de critiques à l'époque. Mmh. Elle ressemblait beaucoup à celle du Seigneur des Anneaux. Ah non. Non, mais en moins bien, hein, qu'il y avait. Ah non, mais même. C'est là ah non, moi, vraiment. Elle est bon, moi, enfin, alors laquelle du Seigneur des Anneaux, parce que c'est que les deux tours, il me semble. La bataille du Seigneur des Anneaux. Les deux tours, le gouffre de Helm. Les deux tours. Il paraît, mais je sais pas, j'ai pas vu celle de Narnia. Non, moi, je trouve pas. Non, il dit oui, ils arrivent sur le côté, comme dans le Seigneur des Anneaux. Non, tout est pareil, non. Machin. Moi, je trouve pas, hein, franchement. Non, puis même, elle est assez classe, la bataille du deuxième. Ben ouais, enfin moi j'ai avec j'ai le vu sol que le... qui s'effondre et tout. Enfin, bon, par contre c'est des films qui sont pas moches. On sent que Disney avait mis les moyens quand même. Ça avait de la gueule. Ouais. Mais le problème c'est que ça a pas trop pris auprès du public. Moi j'adore hein, les deux premiers. J'y trouve vraiment très bien. Enfin j'aime beaucoup les livres déjà. Ouais. Ben juste. Ouais, après c'est vrai que pour beaucoup le message religieux fonctionne. Enfin ne passe pas. Ce qui est le cas de Morgan. Le message religieux. À l'époque ça m'avait choqué, mais je pense qu'il va falloir que je le revoie. Les livres sont comme ça, quoi. C'est vraiment, franchement, si t'y prêtes pas vraiment attention. Non, mais c'est une Bible revisitée, un peu, hein, Narnia. Hein. Les 7 tomes, c'est pareil. Il y a vraiment beaucoup de... Non, mais... Mais c'était un fervent croyant, Lewis, donc, Oui, alors, justement, c'est un truc purement personnel. Il se trouve que mes croyances ont un peu évolué depuis quelques temps et je suis un peu devenu croyant. Donc, voilà. Alors ça, c'est le scoop de Lewis. Oui, ça fait une... non, c'est une expérience personnelle qui a fait que, effectivement, je crois. Il a eu une révélation, c'était le 15 août, il a vu la Vierge. Il a vu Negan. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parti à l'église de Negan. Mais après, moi je trouve pas que, justement, toutes les consonances religieuses, ça soit pour endoctriner les enfants non plus. Non, c'est non, vraiment non, un support qu'il utilise pour raconter son histoire à lui. Non, puis je pense pas que ce soit peut-être le meilleur terrain pour attaquer le film. Je pense qu'après il y a d'autres trucs sur lesquels. Non, parce que ça reste quand même des belles histoires de fantasy, quoi. Enfin, Narnia, c'est vraiment. Ils sont sur Netflix ou pas? Non. Je sais pas. C'est un hommage à l'enfance surtout, je trouve. Oui, complètement. Et le premier est très enfantin, le deuxième est un peu plus adulte. Et voilà. Mais le deuxième a pas fonctionné, hein, au box-office, alors que pourtant ils en ont fait une espèce de promo et tout à l'époque. Enfin, Disney a perdu beaucoup d'argent, c'était un peu leur Tomorrowland à l'époque. Vous vous souvenez des jeux de mots critiques à l'époque? Enfin, le prince Caspier, oui, tout ça. Voilà, le prince Caspier, voilà, c'est ça. Ouais, bon, en même temps, Ben Barnes en prince Caspian, bon. Il correspond au rôle, mais Ben Barnes, c'est pas, enfin, physiquement, il impose pas mal, mais par contre, derrière, au niveau jeu d'acteur, il est pas terrible du tout. Donc, ouais. En fait, moi, j'ai lu que les deux premiers. Donc, en fait, le problème, c'est que quand on dit les deux premiers, c'est pas les deux premiers qui sont sortis au cinéma. Mmh. Puisqu'il y a, avant Le Lion, l'Armoire et C'est qu'il y a des arcs narratifs. Les titres. Oh là là, les titres. Le lion, l'armoire, le lion, l'armoire, la sorcière. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. La sorcière blanche, pardon. Voilà. Oh là là. Mais voilà, moi j'ai vu que, enfin au cinéma j'ai vu que celui-là, désolé, que le premier. J'ai le chat qui fait... Et mais en ce moment je suis en train de, les relire et même de découvrir parce que j'avais pas lu le 3 et la suite. Donc et je les aime beaucoup et enfin moi le message religieux, je suis pas croyant mais je m'en fiche. C'est des très bonnes histoires de fantasy et c'est pas. Attendez, j'ai dit que je croyais, je suis pas, j'ai pas la croix, et j'ai pas la Bible, je crois, c'est tout. Je pense que il y a peut-être, voilà. Mais c'est à cause de Lost, ça. Mais après, pour ce qui est du reboot, du coup, oui, donc, ben moi, j'ai, moi, c'est vrai que bon, les deux premiers, j'aime bien. Je trouvais que les enfants étaient plutôt bien choisis. Il y avait, voilà, c'était, c'est ce que j'attendais des adaptations. Après, c'est vrai que j'ai été très déçu par le 3, mais de toute façon, je savais avant même qu'il sorte que ce serait pas bon parce que du coup déjà l'Odyssée du Passeur d'Aurore c'est vraiment un bouquin de transition donc l'adaptation en film ça allait être compliqué. Ils en ont fait un peu n'importe quoi, c'était visuellement pas terrible, enfin, voilà, la Fox là ils ont vraiment mal géré le truc, enfin, déjà le film faisait 1h30 alors que bon, bref. Et du coup après ils devaient adapter le fauteuil d'argent donc qui est la suite directe de l'Odyssée du Passeur d'Aurore avec Will Poulter qui du coup jouait Eustache Scrub. Ouais, c'est ça. Donc le nouveau personnage qui se met en place à partir du Passeur d'Aurore. Du coup, bon ben Eustache sera pas joué par Will Poulter hein, maintenant il a de la barbe. Puisque... Et puis du coup bon c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que il reboot l'univers sauf qu'il y a un moment où on va arriver à un bouquin qui fait revenir plusieurs anciens personnages. Ouais. Donc du coup, il va y avoir une légère incohérence, je pense, parce que les enfants des premiers ont bien grandi hein, ça a plus de 10 ans maintenant donc Bah oui, mais c'est le problème c'est que ils vont rebooter un film alors qu'ils sont en plein... Enfin, ça fait 5 ans qu'ils n'ont plus sorti de film, mais ils sont quand même en plein milieu de l'histoire. En soi, ils peuvent rebooter un film. Ça paraît vraiment bizarre. Là où ils veulent rebooter le truc, c'est un nouvel arc narratif qui se met en place. Mais pour moi, il ne faudrait pas rebooter au fauteuil d'argent, il aurait fallu rebooter carrément à l'Odyssée du Passeur d'Aurore. Mais bon, c'est compliqué. Ouais. En même temps, en faisant un fauteuil d'argent, ça permet d'intégrer un nouveau héros et c'est tout. Parce que dans le Passeur d'Aurore, finalement, il y a quand même deux anciens héros emblématiques qui sont présents. Oui. Donc bon, faut voir ce que ça peut donner, mais moi, j'y crois pas trop. Hein. J'ai un peu fait mon deuil en fait de Narnia, donc au cinéma en tout cas. Ouais, c'est ça. Je préfère mieux relire les livres et voilà. Oui, non, mais complètement. Et enfin, qui se lisent très bien d'ailleurs parce que c'est pas long. C'est... Non, c'est vraiment bien écrit en plus, c'est sympa. Mais voilà quoi, c'est pas moi, c'est quelque chose qui me, enfin je m'intéresse pas vraiment à l'univers de Narnia en film. En bouquin je suis en train de les relire et j'aime beaucoup. Après faut voir qui va rebooter, enfin logiquement c'est la Fox qui détient les droits. Non, maintenant c'est Tristar, filiale de Sony, parce que ils ont pas été sur repasser la balle. C'est pareil, tout ce qu'ils essaient de faire ça fonctionne pas. Enfin c'est vraiment un studio, on a l'impression que c'est, enfin il est perdu quoi, il y a plus rien. Non, mais tout ce qu'ils essaient de lancer, ça fonctionne pas. Enfin, là, Ghostbusters, ça fait un flop. La cinquième vague, ça a pas marché. Enfin, la plupart des trucs qu'ils veulent faire. Ils font des bons lecteurs Blu-ray, mais pour ce qui est des films. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Morgane, ou si. Non, le reboot. T'en fiches. Ok. On passe à Man of Steel, donc il y aura une suite en développement avec Henry Cavill. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il a montré son nouveau costume et tout le monde Son dark costume. Ouais, tout le monde a... Justice League, ouais. C'est noir C'est magnifique. Trop bien. Voilà. Bah, c'est pas vilain, les motifs. Mais bon, après, il a montré C'est un bout de... Voilà. c'est plus que du teasing, là. C'est du... Oui. Enfin, franchement. C'est vraiment... Alors, au bout d'un moment, on va montrer les chaussures et... Oh, purée, il a changé de couleur par rapport au dernier. Enfin, voilà. Man of Steel 2, donc, qui sortirait normalement après le film solo de Batman qui serait réalisé par Ben Affleck. On n'a pas encore de réalisateur, on n'a pas encore... Enfin, si, il y a Henry Cavill, bien sûr, qui reprend son rôle. Donc voilà, Man of Steel 2, intéressé, pas intéressé? Bon, pourquoi pas. Moi, enfin, moi, j'attends toujours que le DC Universe m'offre des choses. Donc, ça a été un peu le cas quand même avec la Director's Cut de oui, Batman v Superman. Ouais. Parce qu'elle est quand même vachement mieux que le film original. Je trouve. Bon, Suicide Squad, c'est une autre histoire. J'ai bien aimé, mais bon, ça vole pas haut. Hein. Du coup, bah oui, pourquoi pas. Mais après, moi, j'avais bien aimé Man of Steel. Déjà, à la base. Ah ouais. Donc bon, la suite, oui. Mais j'attends plus Justice League et Wonder Woman que la suite, que Man of Steel. Et même le Batman de Ben Affleck, j'attends plus aussi que. Enfin, j'attends le plus tout le reste du DC Comics plus que ce film-là, en fait. Mais bon, je suis pas contre l'idée de le voir. Puis s'il sort, je le verrai parce que j'ai envie de découvrir cet univers-là. Donc, bon. Ok, Morgan. Bah, je trouve que les films DC font un peu n'importe quoi, même si j'ai vu l'Ultimate Edition de Batman vs Superman, qui est excellente, sans pour autant dire que le film est un chef-d'œuvre. Non, mais là pour le coup, c'est bon, ça fonctionne. C'est cohérent. Ça fonctionne beaucoup. Voilà, c'est cohérent. Voilà. Mais effectivement, il y a un autre film qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps et qui a beaucoup plus compliqué les choses d'un point de vue personnel, mais qui confirme un peu que j'ai l'impression qu'il y a aucune cohérence même dans l'univers. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Man of Steel 2 aurait, de toute façon, enfin de toute évidence, Man of Steel 2, je pense qu'il aurait dû être fait avant, même parce qu'il va sortir après du coup Justice League, logiquement. Donc déjà ça colle pas. Il y a plein de trucs déjà qui font que j'ai l'impression qu'ils savent pas trop où ils veulent. Ils déjà veulent niveau encore spoil une fois, là, bah ils sont forts quoi. Oh bah là carrément. Là ils s'en foutent, mais bon. Mais ils s'en branlent. Eux ils ont un truc à mettre en place, on va le mettre en place, voilà. De toute façon maintenant c'est lancé donc on y va. Hein. Mm. Les problèmes. Et du coup c'est vrai que voyant qu'ils ont beaucoup de mal à rendre tout ça cohérent et je pense, j'arrête pas de le dire, c'est pas pour comparer, mais ils veulent rattraper Marvel. Ça se voit, parce qu'ils voient que Marvel, l'univers prend, donc ils disent, ça marche, donc on va faire. Donc du coup, ils se tirent des balles dans le pied. Ça rapporte, ils voyaient bien que Marvel, ça marche au box-office, quoi. Ouais, et là, pas autant, visiblement. Ça rapporte pas autant, non, Man of Steel 2, non, je l'attends pas du tout. J'irai le voir, forcément, parce que malgré tout, je vais voir ce film-là. Mais. J'ai encore l'impression que c'est un projet qui va aller on ne sait où. On va avoir, encore une fois, ça va être encore le film. Alors, les Man of Steel 2, allez le voir. Enfin, vous irez le voir en DVD. Parce que vous savez que la version cinéma, ce sera pas la bonne version. Et c'est ça. Hein, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait comme réflexion à la personne avec qui j'étais en sortant de Suicide Squad. J'ai dit... Et moi ça m'énerve, je ne vais plus aller voir les DC au cinéma, je vais attendre qu'ils sortent en version longue. Mais parce oui, que... pour avoir les vrais films. Mais non, mais quoi. C'est ça, parce que tu sens que c'est charcuté au montage tout le temps. En fait, tu payes pour voir un trailer. C'est ça, et ça commence à être c'est un dommage, peu gonflant, hein. Parce que... C'est moi je m'en foutais, franchement, que Batman v Superman fasse 3 heures au cinéma. Hein. J'aurais été le voir, parce qu'en plus, on le savait qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place, donc ils pouvaient nous la sortir directement, la Director's Cut. Ouais, mais bon. Écoute, après, c'est parce que ils veulent pas que, enfin, ils veulent. Je pense que c'est le lobby des salles, tu sais. Ils veulent pas que le public reste trop longtemps dans leur salle. Ils veulent faire tourner les gens. Donc, ils veulent pas des films de 4 heures. Et voilà. Man of Steel 2. Moi, j'avais pas aimé le 1. C'est pas un film qui m'intéresse. J'ai toujours pas vu Suicide Squad. En fait, Superman seul, il est chiant, quoi. Ouais, il est pas. En plus, j'aime pas Henry Cavill. Franchement, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois. Je l'aime pas en Superman. Ah ouais. Pas intéressant. Moi, j'aime bien. Et je sais pas. Ouais, moi aussi. Enfin, j'ai appris à l'aimer, grâce à BVS. Bah, ouais. Non, c'est vrai qu'il est plus intéressant. Plus intéressant dans BVS quand même. Que dans Man of Steel, mais voilà. Et il porte tellement bien les lunettes. On peut revenir sur le débat. Ouais, c'est vrai. Non, parce que la dernière fois ça a pris 30 minutes, enfin c'est non, ça. 20 minutes. Mais c'est... 30 minutes sur des lunettes, faut le faire. Ouais, ouais franchement. On passe ensuite à un remake d'un remake. On est dans une version Inception d'Hollywood là. Et en plus, le pire c'est que c'est une même personne qui fait déjà un remake d'un remake. On s'explique, c'est que donc Scarface, donc le film à la base signé d'Howard Hawks, qui était sorti en 1932, qui a été remakée bien sûr par Brian De Palma en 83 avec Al Pacino. Mmh. C'est la version quand même la plus connue de Scarface, oui. Celle de 32, pas aussi connue, mais elle est aussi très bien, mais c'est pas aussi connue. Donc ça a été annoncé que Antoine Fuqua allait réaliser un remake de Scarface. Donc remaker un remake en fait. Et sachant qu'Antoine Fuqua réalise déjà le remake des 7 mercenaires, qui est lui-même un remake des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Voilà, donc c'est quand même, ouais. Je sais pas, c'est quand même fou la coïncidence comme quoi une seule personne va réaliser. C'est vrai que c'est vraiment l'envie de ce film, quoi. Mm. Toujours réinterpréter ce film différemment et... Moi, je l'ai même pas vu, parce que ça m'intéresse pas. Moi non plus. Et pourtant, c'est des classiques, mais ouais. L'histoire de malfrat, tout ça, ça me gonfle un peu. Enfin, hormis Martin Scorsese, qui a vraiment... je sais pas comment il se démerde, mais il arrive à me faire aimer ce genre-là, mais c'est vrai que sinon, ça m'ennuie, quoi. Mmh. Donc là... non. Ouais. Moi, ça me botte pas, non. Franchement. Bah oui, bah... Enfin, celui à qui ça botte, franchement, enfin, c'est vraiment quelque chose... En plus, le scénario est... Et puis, quoi. Il dit, ouais, ok, ces films sont efficaces, divertissants et tout, mais c'est un... C'est pas un Brian De Palma. Bah non, pas... enfin... le scénario, en plus, repris des bases des travaux de Paul Attanasio et David Ayer, donc réalisateur de Suicide Squad. Ouais. Ah. Donc, mais non, mais voilà, la Morgan, il va pas y aller du tout, c'est sûr. Sauf si donc, David est ailleurs. Je l'ai fait. Non, mais je l'ai fait. Oh là là, mais il voulait la faire. Ouais. Tu lui as tendu la perche. Tu lui as piqué sa blague. Donc voilà, enfin c'est pas quelque chose de très intéressant, juste pour vous dire que Antoine Fuqua est spécialiste dans le remake de remake. Mmh. Et enfin voilà, déjà les personnes. Il est fort parce qu'il avait il avait déjà fait un remake de White House Down avant qu'il sorte. Mais oui. C'est vrai en plus. Non, le mec est trop fort quand même. Ouais, non mais il est vraiment c'est un visionnaire en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Morgan, toi tu t'en fiche. Bah oui, parce que déjà le film de De Palma, en tout cas on parle du remake, parce que bon, après concrètement l'idée de faire un remake d'un remake, ça a déjà été fait avec King Kong, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est vrai que bon, après ce qu'a fait son... Ouais, mais King Kong c'est vraiment un remake de 1933, c'est pas un remake de celui des années 70. Et heureusement d'ailleurs, parce que les années... Qui est très mauvais. Ah ouais, celui avec Jessica Lange là, il est vraiment pas bon. Et Jeff Bridges. Ouais. Ah oui, moi j'ai pas aimé du tout. J'ai pas vu, mais... Ah, d'ailleurs, j'ai vu le film de 1933 il y a pas longtemps. Ah bah là, c'est fabuleux. Il est très très bien. Non, Scarface m'intéresse pas du tout de base. Pas parce que pas parce que la mafia ça m'intéresse pas au cinéma, c'est pas ça. C'est que Scarface c'est un peu le film de rebelle, quoi, et ça me saoule un peu, tu vois. C'est tous les gamins qui ont 13-14 ans qui découvrent le cinéma, ils aiment Fight Club, ils aiment Scarface, ils aiment American History X. Ouais, tu vois, c'est des rebelles, tu vois. Et j'en ai marre ce genre de film. Ouais, mais... Parce que Tony Montana, il est trop classe. Non, mais il y a plus derrière que Tony Montana. Oui, qui je est trop sais, classe, mais hein. ça me saoule. Ouais, non, mais je comprends complètement. Mais je comprends complètement, mais il y a complètement... Enfin, et vraiment... ça dure 3 heures. Oui. C'est long. Ouais. C'est ça, quoi, 3 heures sur des malfrats. Et je connais la fin. Tu connais... Ouais, tout le monde la connaît à la fin. Oui, écoute, Blue, laisse-moi parler. Désolé, le chat, là, il est en quart d'heure de folie. Bah, il me répond. Oui, bah oui. Il aime Scarface, il je crois. Il aime Scarface. Il aime la violence. Mais non, déjà la durée, déjà... Fin... Oh là là, non, le film m'intéresse pas du tout. Pourtant, j'adore De Palma. Eh oh, hein. Ça va, hein. Désolé, mais tais-toi là-bas, toi. Ça m'intéresse pas, voilà. Ok, voilà. C'est dit. Moi, il y avait des personnes qui avaient déjà des doutes sur des remakes de films connus. Alors si en plus on fait des remakes de remakes, ça devient... Non, mais ça montre vraiment qu'on sait plus quoi faire non plus. Quoi. Ouais, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Après, ça devient n'importe quoi, mais bon, voilà. On passe ensuite à encore plus n'importe quoi. Oui, alors là, ça par contre, c'est une sacrée annonce. Non, mais il est dans ses fantasmes, là, ouais. Brad Pitt. Donc, Brad Pitt, qui est producteur et qui est acteur principal de la saga, maintenant, World War Z, ouais. Voudrait que David Fincher, oui, vous avez bien entendu, réaliserait le World War Z 2, donc la suite. Voilà, apparemment, ils sont en discussion. Puisque c'est son ami quand même, hein, David Fincher, après mon ami Seven, va filmer Fight Club, des zombies, Benjamin Button, et voilà. Mais voilà, c'est quand même, enfin, j'ai vraiment des gros doutes et je pense qu'il rêve un peu. Non, parce que ouais. Après, même si ça pourrait finalement être cool, bah, parce que David Fincher pourrait apporter une patte intéressante, je pense. Bah, j'ai pas vu le premier, mais apparemment c'est vraiment naze. Bah, moi j'aime bien, c'est de l'invasion zombie grand public, quoi. Ouais. C'est plus spectaculaire que terrifiant. Enfin, ça a pas pour volonté d'être terrifiant. Mm-hmm. Ni pour fonction. Je suis d'accord. Ça, pour le coup, ça se veut pas terrifiant, ça se veut spectaculaire. Mais je trouve que ça l'est pas, c'est juste de... C'est plus pour un moi, film de propagation, de virus. Ouais, d'une espèce de bouille numérique, je trouvais ça absolument infect. Ouais. Il y a des scènes qui sont impressionnantes quand même, les scènes de marée humaine là, qui se cassent la gueule et tout, enfin c'est... Tu vois, on avait rarement vu ça quand même au cinéma, donc bon. Bah, je pense qu'on le verra dans un film qui sortira demain, qui s'appelle Dernier Train pour Busan, oui. Qui est, je pense, qui sera un peu le World War Z, ce que World War Z aurait dû être. Mais je pense surtout que Brad Pitt rêve complet, parce que Fincher n'ira jamais, mais je pense qu'il n'ira jamais dans un film comme ça, c'est impossible. Après sa si mauvaise expérience sur Alien 3, c'est pas possible. C'est impossible qu'il fasse une suite d'un film à gros budget. Oui, il voulait bien faire 20 milieux sous les mers quand même. Hein. Mais c'est pas une suite. Non, mais ça reste un film. Oui, plus axé vrai. Blockbuster. Oui, bon, après Benjamin Button aussi, c'était un blockbuster. Bon, non. C'était une commande, Benjamin Button. Ouais, enfin bon, c'est une commande qu'il a bien faite quand même. Oui. Un film que j'apprécie bien, hein, Benjamin Button. Sur un film comme ça, surtout c'est une suite. C'est un Fincher mineur. Ouais, non, franchement, là, je pense qu'il rêve vraiment, ouais, et que c'est dans ses fantasmes les plus fous, quoi. Ouais, c'est beau, hein, en un sens, quoi. C'est beau d'avoir des rêves. On passe, j'allais dire finalement, mais en fait, il y a encore quelque chose. un petit bonus. La blague de la fin. C'est le bonus Morgan. La nouvelle bande-annonce, pardon, de Star Wars Rogue One, qui est sortie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Qui est sortie pendant la nuit des jeux de Rio, je crois. Ouais. Donc le film qui sortira le 14 décembre prochain. Ah, ouais. Une plus grande bande-annonce, 2h30 de bande-annonce. 2h30, ouais. Oh, tu sais pas, il n'y a pas de durée annoncée pour l'instant. C'est clair. Donc voilà, on rappelle encore. Et là, il fait 1h23. Ouais. Non, ça m'étonnerait pour un Star Wars. Je pense que ça m'étonnerait, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc on rappelle, c'est un film qui se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, où des rebelles vont aller voler les plans de l'étoile noire et on va revoir Dark Vador. Oui. Et tout le monde, il est content. On va avoir des films avec des gens qui volent des plans. Réalisé par Gareth Edwards. Qui n'a pas eu le montage final, apparemment. Donc, ils vont nous la faire aussi à la DC Comics. Ils vont sortir une version avec... Je sais pas, il paraît que Gareth Edwards n'a pas eu le dernier mot pour le montage de fin. C'est peut-être qu'ils ont trouvé qu'il faisait trop à la Godzilla, qui montrait toujours Dark Vador soit à travers de un écran télé ou une fenêtre, en fait, ou Tu sais, en fait, le dernier plan de la bande-annonce, c'était le truc qu'il y avait dans le film, hein, c'était pas un truc de la bande-annonce, c'est juste un plan de Dark Vador. C'est ça. C'est la seule image qu'on a de Dark Vador de tout le film, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Donc Festy Jones, Diego Luna, Donnie Yen, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed et voilà. Forest Whitaker, pardon. Bah oui, quand même. Et Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen aussi. Oui. Donc voilà, nouvelle bande-annonce. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, ça me botte complètement. Mais après, ouais. Et en fait, ce que je me dis, à la limite, même si ça se plante, c'est pas trop grave, parce que ça aura pas forcément d'incidence sur les autres films. Donc bon. Ouais. C'est sûr. Même si c'est moins bien, bon, bah, à la limite, c'est pas gênant. Oui, il y a pas de grosse attente par rapport à Star Wars 7, hein. Il y a pas vraiment. Bon, c'est clairement Disney qui veut capitaliser à mort sur la franchise Star Wars, mais bon, ça peut être. Moi, ça me botte bien. C'est un univers qui me parle bien. C'est des personnages qui ont l'air intéressants. Et puis, ouais. Et la bande-annonce, enfin voilà, elle présente de belles choses. Ça a l'air pas trop mal filmé et tout. Donc, je pense qu'on peut avoir de belles surprises, quoi. Ouais. Morgan. Pareil. La bande-annonce plutôt alléchante. Après, voilà, par rapport à Star Wars. Ah, oh merde, j'arrive pas à le dire. Star Wars. Par rapport à. Oh merde! Par rapport à Star Wars 7, il n'y a pas l'effet de hype énorme, d'attente. Oui, parce que tu sais que c'est pas une suite. Voilà, donc ça se met à part. Mmh. Donc, honnêtement, c'est pas plus mal qu'il soit pas trop. Enfin, que nos espoirs soient pas aussi hauts que pour Star Wars 7. Mais la bande-annonce est hyper efficace. Par contre, si du coup ça a vraiment une cohérence entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, là ça peut être sympa. Utiliser des petits détails de ces films là et puis finalement leur donner plus d'importance dans Rogue One, là ça peut être bien. Après, de toute façon, je pense pas qu'ils feront ça. Enfin, moi, ma crainte que j'avais quand on m'a annoncé le projet, c'était que ce soit vraiment un petit truc pour faire patienter en attendant Star Wars 8. Je pense pas, je pense qu'il y aura quand même quelque chose derrière. Et puis au niveau des personnages, j'avoue, il y a des personnages qui sont quand même assez classe, même si voilà. Donc, après, c'est vrai que Felicity Jones fait très Katniss Everdeen. Ah, oui. Mais bon, ça peut. Et Forest Whitaker. Enfin, après, c'est plus une ressemblance physique. Il ressemble à Morgan dans The Walking Dead, mais carrément. À Morgan. Ouais, en plus, il est en plus gros, mais il ressemble carrément. En plus, il a un bâton, tout comme lui. Le mec avec le tigre, ouais. Là, non. Ah non, ça c'est Ezekiel. Nous allons parler de Walking Dead justement. Alors, non. Ok. Quoique, après il y a un lien. Oui, en plus. Dans la news d'après. Un vieux lien, vraiment. Un vieux lien de loin. Quoi. Ouais, ouais, t'aurais pu le faire sur World War Z, hein. C'est pas. Ouais, non. Plus déjà. Bah si. Ouais, moi je suis partagé en fait. Sur Rogue One. D'un côté, je l'attends vraiment. Genre, tu veux nous faire croire que toi, fan de Star Wars, t'es pas impatient de voir ça. Bah déjà, elle était dégoûtée de voir Star Wars 7 à cause de la hype et tout. Donc, Ouais, c'est vrai. Ah, putain, oui, c'est vrai, je me rappelais plus de ça. C'est fou, ça. Deux semaines sans spoiler. on y revient pas. Voilà, je suis partagé, en fait. D'un côté, la balance me plaît. Mon chat aussi est partagé, hein, je suis désolé. Ouais. Il sent, mais... Non, mais il est infernal, là, c'est super chiant. D'un côté, je suis très hypé, j'aime beaucoup la bande-annonce, j'aime beaucoup... Enfin, les personnages ont l'air très intéressants, les scènes de bataille ont l'air très... Enfin, ça a l'air vraiment bien, c'est dans l'univers que j'aime beaucoup. Mais plus j'y réfléchis, plus j'ai un peu peur, parce que la beauté des films originaux, surtout du premier, c'est que tu devais imaginer la plupart des choses. Ce qui allait se passer, ouais. Voilà, ce qui s'était passé. C'est un univers que tu découvrais au fur et à mesure. Ce qui s'était passé, tu vois, tu voyais des petites éraflures sur les vaisseaux, tu disais, ah, il a dû être dans une certaine bataille, enfin voilà, c'est des trucs. Et quand on te parlait du vol des plans de l'étoile noire, et ben tu t'imaginais quelque chose. Ouais. Chaque personne s'imaginait quelque chose de différent. Là, on va essayer de rentrer l'imaginaire collectif dans un seul imaginaire. Dans un seul axe, ouais. Voilà. Ça me fait peur. Je pense que Rogue One va avoir un peu la même fonction que la série Clone Wars. Exactement. Et Clone Wars. Qui est pas forcément mauvaise au demeurant. Hein. Il y a beaucoup d'épisodes de remplissage, bien sûr. 3D ou 2D ? 3D. Ouais, 3D. La plus récente. Bah, celle qui est sur Netflix, là. Ouais, bon, je sais pas, j'ai un peu de mal avec. Bon, c'est sûr qu'il y a des trucs intéressants. Il faut s'y faire, mais il y a des trucs intéressants. Pour moi, le meilleur épisode, c'est le premier de la première saison. Le premier épisode de la première saison, pour moi, c'est le meilleur. Avec juste Yoda. Oui. Et trois soldats, pour moi, c'est la meilleure. Mais bon, voilà. J'ai peur que ça remplisse des vides que des millions de gens se sont imaginés. et que finalement, bah, ça correspond pas du tout à ce qu'ils s'étaient imaginé, et qu'ils soient déçus. C'est ça. Et voilà. Parce que finalement, Star Wars, il y a un univers étendu, bon, qui est officiel, et t'as tout celui que les gens s'imaginent. Voilà, c'est ça. Et d'un côté, je suis très impatient de le voir, je vais être content d'aller le voir au cinéma, mais d'un autre côté, j'ai peur de ce côté-là, quoi. Et j'ai encore plus peur avec toutes les annonces de spin-off sur Django Fett, heureusement. Han Solo. Boba Fett. sur Han Solo, 3 films. Enfin, voilà. C'est des choses qui me font assez peur sur ce point-là. Mais la bande-annonce, c'est cool. Les personnages ont l'air vraiment sympas. Voilà. Mais j'ai une petite réticence. Après, moi, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que on retrouve vraiment... les vaisseaux des premiers films, oui. Et tout, t'as vraiment ce charme-là, en fait. C'était fait très exactement. Maquette, et en fait, tu sais que maintenant, c'est plus des maquettes, c'est que... Ouais. Et ils gardent vraiment cet aspect-là. Ça fait vraiment film à l'ancienne, mais en même temps, très modernisé, quoi. Oui, complètement. Donc voilà, on verra bien. Réponse le 14 décembre. Ouais. 14 décembre, faudrait mieux peut-être pas y aller, parce que je pense que les salles seront pleines à craquer, mais... Ouais. Voilà, il faudra peut-être attendre un petit peu. Morgan, t'avais peut-être quelque chose à rajouter ou... Oui, ah, c'est même pas toi qui présente le film, tu t'en fous. Ok, Non, ah, d'accord. Sur Rogue One. J'attends le film. Merci pour les tympans. Enfin, j'attends le film. J'irai voir le film. Pardon. Ok, non, t'inquiète, j'allais pas te lancer comme ça. Même si j'ai même pas vu la bande-annonce, je sais même pas de quoi ça parle et franchement, je m'en fiche un peu. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, je m'en fous complètement. Mais... Est-ce qu'on peut comprendre en même temps Voilà, tu voulais parler. On a appris ça pendant qu'on commençait l'enregistrement, donc il nous a même pas prévenu avant, quoi. Il l'a fait en petit furtif comme il est. tu voulais parler de la première bande-annonce ou la dernière bande-annonce de Resident Evil 6 qui sortirait février 2017. Et à partir de ce moment-là, je te laisse parler. Voilà, et maintenant, démerde-toi pour être crédible. Hein. Ouais. Alors, bon, vous voyez, à chaque fois dans un podcast, je parle de Walking Dead, mais là, j'ai un peu dérivé, j'ai un peu trouvé une astuce. il faut savoir que entre Resident Evil, donc la fameuse saga culte dans sa... Bah, finalement, oui, c'est quand même assez culte. C'est quand même assez finalement. Cool. Parce que tu parles ça, de quel ça... format parce que... Mais non, mais même le format film, il est tellement détesté qu'il en devient culte. Exactement. Et moi, il se trouve qu'il y a une espèce de... J'ai une relation très fusionnelle avec cette franchise qui au fil des épisodes, s'enfonce dans une espèce de mauvais goût absolu, de démesure, de spectacle absolument... je vais pas dire indigeste parce que je trouve ça totalement digérable, mais un spectacle de... Je m'en fous de tout. C'est ça, hein, Resident Evil, hein, concrètement. Ouais. De toute façon, c'est pas une adaptation des jeux vidéo, hein, c'est... Exactement. Même si le tout premier Resident Evil, le scénario avait été écrit par Romero. Enfin, Papy Romero, comme j'aime à dire. Enfin, celui qui est dans le film, c'est pas celui de Romero, hein. Non, c'est sûr, mais ils ont rejeté le scénario, ils ont viré Romero carrément. Et ils ont demandé à Paul virer Romero pour donner à Paul W.S. Paul W.S. Anderson, donc il a fait Star Wars, ouais. Mortal Kombat, pardon. Mortal Kombat, Event Horizon, des films Pompéi, d'une qualité Pompéi aussi, meilleur rôle de Kit Harington. Les trois mousquetaires. Je troll un peu. Trois mousquetaires. Non mais je comprends évidemment, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. D'accord, en même temps, je n'y ai pas joué des masses. À part Resident Evil 3 Nemesis, mais même aujourd'hui, je n'y jouerai plus jamais de ma vie parce que ce jeu m'a traumatisé. Il est trop bien. Non mais Nemesis mais vraiment, je hurle quand je le vois. On m'a toujours dit que les Resident Evil, c'était vraiment les jeux où tu flippais tout le temps. Ouh. Ah ouais, non mais le 3, il est horrible. Hein. Il y a pire. Silent Hill, c'est vraiment pire que Resident Evil. Ah, je sais pas. Je suis pas un grand gamer. Si t'as peur de Resident Evil 3, ne t'approche même pas d'un Silent Hill. Ah non, mais c'est maintenant, mais je ne peux pas. Déjà, Dead Space là, c'était horrible. Ah, c'est trop bien. Oh, je ne peux pas. J'ai peur, et en plus, c'est que je suis très réactif quand je joue au jeu. La dernière fois, j'ai fait avec mon petit, je raconte ma vie, j'ai fait avec mon petit frère un Call of Duty version zombie. Un Call of. Quand je voyais les zombies. Un Call of Duty. Call of. C'est ça, oui. Un Call of Duty. Call of Duty. Version zombie. Et comme t'es en FPS, là, quand tu vois, je voyais les zombies s'approcher de moi, je hurlais, quoi, et mon petit frère, il en pouvait plus. Je suis très restrictif. Quoi, devant Call of Duty? Est-ce que maintenant, sur Call of Duty, il y a des zombies? Un mode zombie, ouais. Non, mais depuis, certains épisodes, il y avait, c'est un mode zombie. À la base, c'était pas un jeu de... De guerre, oui. Mais ouais, ils ont fait des nazis zombies et puis ils sont sortis. Oh putain. Ouais, mais j'avais peur, moi. Ça me fait peur. Non, mais je me rappelle, non, c'est Medal of Honor que je confonds. Ah, c'est trop bien ça. Donc, bon, même si je dois dire que j'ai tendance à considérer les Resident Evil comme des plaisirs coupables, le tout premier, même si c'est pas le film qui avait été prévu au départ, je trouve que c'est un huis clos super bien foutu et un peu flippant. J'avoue. Non, à partir du 2, ça. Flipper devant ça. Ah, si, je le regarde jamais tout seul, Resident Evil. Ah bon? Je te promets. Oh non, moi je flippe. Ah, je peux pas. Ça fait non mais il me la scène où elle est dehors, tu sais, elle ouvre le manoir, elle dit il y a quelqu'un, puis il y a des oiseaux qui arrivent. Ouais. Ah ouais, ouais. Et la scène où elle le réveil du tout premier zombie, c'est dans l'eau. Tu sais quand il t'as Michel Rodriguez qui dit pauvre type. Là t'as un plan qui s'approche avec la fille dans l'eau là, ouais. Ça me fait flipper, mais je flippe mais vraiment. Ouais, mais le premier est pas très pas mal, enfin le premier c'est un bon, c'est moi un je suis comme Morgan, je les aime tous bien hein, mais c'est vraiment parce que c'est nul en fait. Ouais, mais pas moi c'est tellement nul que j'arrive pas à rentrer dedans. Et vu que j'ai jamais joué au jeu, bah, je m'en fous en fait de savoir si c'est fidèle ou pas. Je trouve ça c'est tellement con que ça en devient divertissant un peu, enfin le premier film de WS Anderson. Mais encore une fois, le premier Resident Evil, je mets bien à part parce que je trouve que c'est un film très sérieux. Mais c'est clairement le moins pire de toute façon. Ah bah c'est le meilleur, oui. Mais après, c'est vrai qu'à partir du 2, le 3 c'est un espèce de... Le 2 est vraiment à chier. C'est pas dans le désert, le 3. Le 3, bah, le 3 est mieux que le 2. Le 3, ouais, il est beaucoup mieux que le 2, c'est vrai. Le 4, moi j'aime bien. Le 5 avait des problèmes. Ouais, mais le 5 par contre c'était vraiment bizarre. La fin du 5 était quand même énorme quoi. C'est Wesker qui devient gentil et qui s'allie avec. C'est bien. Tu connais même les noms des personnages, c'est que tu. Bah oui. Ah bah oui. Alice, Wesker, Jill il Valentine. Il pousse le vice jusqu'au bout. Hein. Ouais. Ça se tient le raisonnement mauvais goût. J'ai un rapport très. Oui, j'aime pas Bernard Edwards. Et alors il est resté là-dessus. Il est resté. Oui, je sais. Mais le je mec n'aime pas est Bernard susceptible, Edwin c'est pas possible. Mais non, je le prends et bien. Et surtout qu'en plus, t'es non, défendu moi... après, parce qu'il y en a un, j'ai pas aimé le commentaire qu'il t'a fait. Hein. Oui, mais il est gentil, enfin, c'est un petit nerveux, mais il est tout mignon. Petit con. Evan, si tu m'écoutes. Non, bon, je vais défendre le truc. Donc la première bande-annonce est sortie. J'avais un peu peur, parce que c'est vrai que... T'avais pas quand même. Non, bah si, parce que quand même, le 5, c'est le... Moi, je pense que c'est le plus faible parce que le 5, il faut savoir qu'il durait à la base 2 heures et il a été coupé d'une demi-heure. Donc, ouais. On ne sait pas où sont passés. Donc, on sent bien que le 5 a eu des raccourcis et c'était hyper survolé. Et du coup, ça se tenait pas vraiment. Il y avait des problèmes et tout. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime la démarche de W.S. Anderson qui, quand il va défendre ces films-là avec Mila Jovovich, donc qui est sa femme, dit « Je me suis éclaté ». Et moi, ça me suffit. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas des adaptations fidèles. Je le sais. J'ai toujours vu ça plus comme des inspirations. Oui, il reprend. Bah, il y a Raccoon City, ça c'est cool. Ça c'est Umbrella. Cool. Hop, on va tout mettre ensemble. Et c'est pour ça finalement que faut vraiment pas les prendre au sérieux parce que les films ne se prennent pas au sérieux de toute façon. C'est sûr. Oui, voilà. Mais c'est juste un bon prétexte pour lui de filmer un personnage malgré tout que je trouve que en matière de personnages féminins, mais Alice, un peu badass, elle est cool. Hein. Elle est très cool, mais vraiment, je la mets, même si les films, voilà, objectivement, c'est discutable, c'est vrai. Moi, ça m'amuse, j'y peux rien. Mais le plaisir de retrouver cette héroïne que j'adore, mais vraiment. En compte sur le 6, là, tu sens clairement qu'il a adoré Mad Max. Hein. Quand tu vois la bande annonce. Oui, et déjà, et même sur le 3. Le 3, c'était un peu un Mad Max. Ouais. Le côté un peu désertique, c'était... Le 3, c'est un peu le Fury Road de W.S. Anderson. Hein. Bah non, il n'est pas de W.S. Anderson, il est de Russell McKay. À partir de cette phrase, Morgan ne sera plus... C'est vrai. C'est Russell McKay, c'est vrai. Eh oui. Ouais. Bon, bah, ce sera le 6, et il sera meilleur que le film de Miller. Quand même. Mais, non, je plaisante. Non, mais là, voilà, la bande-annonce promet... c'est vraiment tout ce dont j'attendais. C'est, voilà, du... Entre guillemets, du fun. Ça, il n'y a pas de second degré là-dedans, mais... quoique, mais en tout cas ça va m'éclater, j'ai hâte de voir ça, c'est le chapitre final et je pense que là pour le coup ils vont pas mentir. Ah et bon, voilà, bah, entendre Mila Jovovich dire je m'appelle Alice et ceci est la fin de mon histoire. Là, voilà, la boucle est bouclée, je vais faire mes adieux. C'est pas ça depuis le 3 que c'était la fin. Non. OK. Il relance toujours hein et là je pense que voilà, j'ai hâte de voir ça. Voilà, je sais, ça fait pas crédible. C'était cohérent, hein, parce que le premier c'est Resident Evil, le deuxième c'est Apocalypse, le troisième Extinction, le quatrième Afterlife, parce que finalement on n'arrête pas. C'est ça. Voilà. Et après, le cinquième c'est quoi ? Rétribution. C'est 3D, Rétribution. Hein. Voilà. Et celui avec les mauvais effets 3D là, horrible. De qui ? Ah, le je 5. Trouve. Ah non. Le 5. Bah, tu sais, oui. Je vais te dire un truc. Oui, non, mais de toute façon, tout est moche. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai. Non, oui, voilà. Même les affiches, c'est du nanardesque au plus loin. C'est du mauvais goût total. Mais voilà, faut pas les prendre comme, oui, on a compris, c'est pas pareil, mais passez à autre chose. C'est pas comme les jeux. Si vous voulez un bon truc de zombie dans un univers machin, vous regardez Walking Dead, vous faites pas chier votre monde. Ouais, bah si, parce de toute façon, on fait chier dans Walking Dead. Non. La saison, franchement, la saison 5, je suis d'accord avec toi, Eddie. Mais je peux dire que la saison 6, oh là là là là, mon dieu. Bon, bref, on n'en parle pas. Mais, et la 7 sera bien parce que Yann Egan. Non mais c'est je comprends effectivement les puristes n'aiment pas, voilà, c'est ils se sentent insultés. Mais le problème c'est que tu vois, ils continuent à, enfin bon, moi j'ai pas vraiment d'attache particulière à Resident Evil. J'aime bien les 3-4 premiers. Après ça devient n'importe quoi comme les films de toute façon. Mais ah oui, les jeux de... Ah oui, d'accord, ça je savais pas. Non, ça c'est encore plus détesté que les films, hein. Ah ouais. À partir jeux, du ouais. 5 et du surtout le 6 ouais, qui est horrible. Le 5 voilà. Qui mais enfin voilà, on n'est pas là pour parler du jeu vidéo, mais c'est moi ce qui me pose problème, c'est qu'il reprend toujours les mêmes, enfin il prend le titre quoi. Et ah ben bah oui, ça bah oui, ça porte complètement à confusion à hein, tous ceux qui ont pu aimer les ah jeux, bah, quoi. Parce que quelque part, même s'ils cherchent pas à adapter, oui, ils s'inspirent des éléments du jeu. Alice, son héroïne, c'est pas du tout un personnage du jeu. Oui. Par contre, Raccoon City, ouais, Umbrella. Y a la ville, mais bon. Voilà, non, mais il y a Jill Valentine, il reprend des personnages. Wesker aussi. Et l'autre, là, voilà, Léon, là. Ouais, et même. Oui, voilà, Léon, voilà. Et puis même, comment s'appelle l'autre, là Ah, celle que joue Ali Larter, comment s'appelle Claire Redfield, voilà. Et Chris aussi, Chris Redfield. Donc il y a vraiment des voilà, c'est il reprend juste des petits trucs et il se sert de ça, il passe ça au mixeur et puis pouf, allez on y va, il fait tout péter. Au final, c'est vraiment le genre de truc que j'aime. C'est comme les films de Roland Emmerich, enfin voilà, Indépendance Day 2, c'est con, c'est pas terrible, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui fait que ça m'amuse et que ça me divertit. Mais tu trouvais ça beau. Ah oui. Bah oui quand même. Roland Emmerich, c'est pas moche. Ah, faut pas dire si, que c'est si. Pas moche. Non, c'est pas... Oh, moi j'ai revu White House Down, mais même une scène où une bagnole tombe dans une piscine en 3D, il arrive pas à la faire bien. Alors, Ouais, non, c'est horrible. Je ne sais plus. Voilà. C'est triste d'entendre ça. Mais non, mais voilà, je sais, c'est con, c'est vrai. C'est mais on a chacun nos petits vices. Hein. Aime bah oui, même. Mais oui, voilà. Et en plus, vous pouvez pas dire que je suis pas sérieux, j'ai vu 2000 ans de cet espace et j'ai bien aimé. Alors déjà, hein, vous pouvez pas dire que voilà. Ça va, tu viens de parler de Resident Evil. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et vous savez, je vais même vous dire un truc. Hier, j'ai voulu regarder parce que là aussi, je pense que ça peut passer. Sharknado. Je me suis dit, par contre, je sais que là, c'est ma limite. Ça, parce je que peux pas. C'est des faux nanars, c'est horrible. Voilà, c'est un peu peur. J'ai un peu peur aussi, mais je voulais tenter parce que c'est vrai qu'il y en a quand même 4. Mais je me suis dit, et comme je savais que je devais voir 2001 le soir même, je me suis dit, attendez. Sharknado ou 2001 jamais, j'ai un dilemme. Oh, les soirées de Morgan, quoi. Non, c'est pas ça. T'en comptes des questions qui se posent. Sharknado ou 2001, tu sais, il a la boîte du DVD dans. Mais non, c'est pas ça. Je sais pas. Mais non, attendez, je vous explique. À la base, je devais voir Sharknado l'après-midi et le soir 2001. C'est vrai. Mais je me suis dit, si Sharknado ça m'amuse et que j'y mets un petit 3 sur 5 et que 2001 je le mets à 2 parce que j'aime pas, je pense que je vais me faire charrier. Ah, oui. Donc dans le doute, je vais pas mettre ça. Donc du coup, j'ai préféré regarder Shaun of the Dead. Voilà. Ouais, voilà. Au moins, t'as... Qui est pas extra non plus. Hein. C'est très sympa, mais c'est pas non plus ouf. Shaun of the Dead. On est pas d'accord, mais c'est pas grave. Non, mais j'ai mis en 3,5. Enfin. Non, mais bref, tout ça pour dire, ah, encore des zombies. Voilà, ce sera con, ce sera sûrement pas très beau, mais il y a un espèce de plaisir que j'ai... Non, mais voilà, je comprends, hein, je te charrie, mais j'ai c'est les mêmes trucs. C'est comme un tu sais que c'est pas bon pour toi, mais t'aimes ça. Voilà, Voilà, je suis un peu sadique envers moi-même. Et c'est vrai que le personnage d'Alice, je la trouve, enfin voilà, voir Mila Jovovich mettre des fessées aux zombies, de faire des pirouettes dans tous les sens, ça me plaît. Il y a vraiment ce culte du nanar. Moi, je trouve Mila Jovovich plus intéressant dans la Resident Evil que dans le cinquième élément de Luc Besson, hein. Ah, largement. Ouais, bah oui. Même moi qui aime pas les films, je te Mais c'est le meilleur rôle de sa carrière, hein, Mila Jovovich. Je pense que c'est le rôle de sa carrière, parce qu'en plus, elle adore ça. Hein. Non, mais elle est hyper investie dans ce rôle. Sur son Instagram, elle arrête pas de poster. Enfin, elle est heureuse, quoi, quand elle était heureuse pendant les tournages, franchement. Puis elle fait ses cascades elle-même et tout. On sent bien qu'elle s'amuse, ouais. quoi. Elle s'amuse, voilà. Et nous, enfin, moi aussi, personnellement. Je vais pas parler en nous, nom de tout le monde, je vais me faire lyncher. Mais en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Voilà. C'était pour dire ça. Ouais, toi, Eddy, tu t'en fiches du 6 ou... Ah non, je le verrai, hein, parce que c'est pareil, je suis un peu comme Morgan, c'est mon petit vice à moi, quoi. Mais après, j'ai plus d'impatience. Il faudrait faire une coupe avec plein de vices dedans. Avec nos vices, ce sera la coupe des vices. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Bon, comment on peut remonter De toute façon, faudrait conclure, hein. Ouais, bah c'est bien, on a fait quand même 1h45 alors qu'on avait rien. On n'avait pas grand chose au niveau d'actualité, mais on a quand même fait 1h45. Voilà. Écoute, on a beaucoup extrapolé comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Extrapole de W.S. Anderson. Ça n'arrêtera pas jusqu'à la fin. Quand il est lancé. D'ailleurs, j'ai faim. Quand il est lancé, c'est fini. Quoi. Bon, voilà. On va quand même vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast malgré la grande chaleur qui nous entoure. C'est vrai, il est très chaud. Ouais, il fait extrêmement chaud. Bon, normalement, les prochains qu'on devrait tourner, il devrait faire moins chaud puisque ce sera fin août, début septembre. Mais alors ça. Bon, ouais, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr avec le mois de mai qu'on a eu. C'est... Comme disent les anciens, le temps est fou. Il n'y a plus de saison. Ils sont rentrés dans le couloir du temps. bon, voilà. Merci à vous deux d'avoir participé. Vous pouvez retrouver tous les podcasts, toutes les émissions plutôt, et toutes les critiques, dossiers plus. Il va y avoir de nouvelles rubriques dans pas très longtemps. Je dis rien. Enfin, vous verrez ça quand ce sera en place sur le site. Ouais. Vous pouvez retrouver sur moviesnerd.net tout ça. Ensuite, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Donc, Facebook, c'est moviesnerd tout court. Twitter, c'est movies_nerd. Ensuite, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, sur iTunes aussi. Vous pouvez nous laisser des petites étoiles sur iTunes. Ça nous fait plaisir et ça nous fait monter dans les charts, comme on dit aux États-Unis, des podcasts français. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? On est aussi sur. Enfin, j'ai fait un gros boulot pendant ces vacances que je vais faire depuis longtemps. C'est que j'ai tout déplacé, toutes les émissions qu'on avait sur Internet Archive. Donc, c'est un site qui permet d'héberger tout gratuitement. Donc, ça me permet de faire des petites économies au niveau du site et je vais pas m'en plaindre, et mon porte-monnaie non plus. Donc voilà, si vous tapez sur Internet Archive Movies Nerd, vous retrouvez toutes les émissions qu'on a fait depuis le début. Voilà. Et, donc ça s'écrit Internet pense... Archive, hein, c'est ça? Oui, Archive, pardon. Ouais. Non, bah... mais c'est, comme c'est un site anglais, américain. C'est... Moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Sens Critique. Et Goodreads, donc c'est au cas où si vous vous intéressez à mes lectures, donc c'est The Lexal partout, THELXAL. Eddy Sur Movies Nerd, sur Facebook, sur Sens Critique et c'est Stark. Voilà, et Morgan? Et bien moi sur Twitter, c'est Cinémorgan, et sur Vodcaster, c'est Cinémaniac, tout simplement. Nickel. Voilà, on vous remercie encore d'avoir écouté. On se retrouve dans pas très longtemps pour le hors-série spécial bilan de l'été 2016. Eddy, tu seras là. Ça dépend quand c'est. Fin août, début septembre. Oui, bah faut caler la date. Ouais, on calera la date juste après qu'on aura fini d'enregistrer. Merci encore d'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Salut. Salut. Salut.